Bonjour et bienvenue pour ce premier apéro original. Les gens qui mangent des chips. On va manger des chips. T'entends ? Il y a une bière sur la table. Non, non, je tiens à Manalus. C'est con entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça, c'est très tordu mais bougrement intelligent. Merci, Inspecteur Gadget. Allez, viens. On est bien. Oh, là, je suis bien. Oh, je bouge plus. Oh, je ne bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh. Ah. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'apéro original. C'est le shop 2, deuxième shop. Épisode 2, je sais plus. 2.2, deuxième shop. C'est la deuxième shop. Du coup, bon, on va refaire un C'est bien houblon. Yes. Allez, on est parti. Allez. À toi l'honneur, toi qui as le décapsuleur de la parole. Le décapsuleur de destin. Pololo. Apparition mystérieuse. Je vais vous expliquer. Pololo. Catapulte. Non, oh, pas sur les gratons. Donc, pour cette deuxième partie, j'ai pris une bouche qui est une bière belge. The Strongest Belgian Beer. Une bière ambrée. Qui s'appelle Bouche parce que c'est la brasserie du Buisson. Attention, les mecs ont réfléchi. Attends. Merde, trop tard. Voilà, et pour ceux qui n'en ont pas compris, Bush, ça veut dire Buisson en anglais. Et pas président américain. Et voilà. C'est le père ou c'est le fils ? Oui, le père. C'est pas de la Walker Bush, non. C'est le père. Attention, décapsulage. On a frôlé la catastrophe. Comme à l'épisode 1. Alors attention. C'est beau. Un service tout bonnement excellent. Juste ce qu'il faut de mousse. Parfait. Ouais. Moi je mets déjà 10 sur le style. Elle est très jolie à la couleur. Déjà, ouais. Moi j'hérite toujours du vert jaune. Alors je peux pas donner. Mais j'ai un autre vert si tu veux. Ah mais non, c'est bon. Donc moi j'ai une Tongerlo blonde qui est World Beer Awards 2014. Bon, je crois que j'ai dû saveur de l'année 2014. Ouais. Je crois que tu l'avais parié, je crois. Bah tant pis, bah. Ou ça va être celle-là, ou c'est une autre, ou. Bref. On va goûter. Ferme ta bouteille. Une 6. Refermenté. Il n'y a pas d'odeur, je trouve. Pas bon, hein. On sent pas arriver l'arnaque. Ouais, refermenté en bouteille afin d'obtenir un arôme plus raffiné et un goût plus riche et savoureux. Un goût. Un goumi. Oh. Un goût. Non. Hop. Son nom, tu te rappelles plus ce que c'est en fait. Trompiste. Mmh. Oui, non, mais le dedans. Une belge. Oui, mais le blond, je sais plus. Celle-là. Ah, les trappistes. Je crois pas que ce soit de la blonde, celle-là. Quelle est-ce que c'est une blonde? Donc là, c'est une blonde, ouais, elle est pas mal en couleur aussi. Ouais. Ah oui, très. Prononcez la couleur. Après, ouais, j'allais dire, j'ai le canapé derrière qui est dans les tons un petit peu rouge, mais même contre le mur qui est jaune, ouais. Pour c'est de la blonde, elle est très très, ouais. très colorée quand même. Toi, on dirait du rosé. Ouais, moi, on dirait un rosé piscine un peu. Mais un rosé quand même, un rosé foncé pour le coup. Un beau rosé. Un vrai rosé. Un rosé. Du coup, c'est toi qui as la parole maintenant. Alors, comme à chaque fois, je prends ma traditionnelle Rochefort 10. Je pense que c'est ce que j'avais pris la dernière fois déjà. C'est possible, oui. On reconfirmera à l'écoute. Donc voilà, toujours de chez Rochefort. Je crois que c'est une bière brune, je crois, je ne sais plus. Parce que j'en ai pris une brune, mais. C'est pas de la bonne en tout cas. Ouais, parce que vu la couleur. Drop the Mikado. De la brune ou de l'envoi. Oh. Écoutez-moi ce son. This is the sound of heaven. The sound of the beer. Ah, bientôt va arriver le retournement pour faire de la mousse. Attention. Oh, magie. Oh, merci, ça c'est brun, ça. On prend pas de risque en disant que c'est brun. Hein. Magique. Ou si on t'éthique. C'est le moment de goûter. Non, le moment de tes goûts. 1, 2, 3. Bon appétit, bien sûr. C'est parce que c'est une brune. Oh. Ça tabasse. Ah, chute à l'arrière du ponton. Pique un peu la tienne. Chute à l'arrière du ponton. 11%. Ah oui. Elle a goût à l'alcool en fait. Ah, ça c'est tu. C'est moi non ça va. Donc je pense que ça va être un peu le une gourgandine. Sans mais elle sent pas grand chose en fait. Elle sent l'alcool, mais c'est tout. Mmh. Ouais, c'est un peu le pétrole. Hein. Ouais, mais je trouve qu'il y a quand même un arrière-goût. Bah, ça, ça va filtrer, ça va piquer. Une senteur derrière. Une senteur bleue. Ah, tes souhaits. Donc, après cette première partie dégustation, donc c'est au tour du dossier de Monsieur Gandalf 81. Alors, du coup, attention, jingle. Ma main a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Voilà. C'était beau. Tu as tout résumé. Mais tu n'as pas tourné loin, hein. Parce que, alors, au tout début, c'est pour toujours au tout début, dans nos recherches de dossiers, je voulais parler des... Non, je voulais faire un instant mademoiselle. Je voulais parler qualificatif de genre et qualificatif, tout ça. Bon, comme d'habitude, je me suis fourvoyé. Et là, je vais vous parler de paraphilie. Alors, qu'est-ce que c'est comme qu'est-ce que c'est comme une paraphilie? Attention, Wikipédia. Bah oui, paraphilie, c'est quand on aime le paracétamol. Eh non, la paraphilie. Alors, je ça vient du grec para auprès de, à côté de, et philia amour, et l'ensemble des attirances ou patriques sexuelles qui diffèrent des actes traditionnellement considérés comme normaux. Genre normaux, ça c'est un point que... Ça c'est... Like, point G, comme le Goulia, le mot qu'on n'aimait pas, déjà. C'est pour ça qu'il est entre guillemets merde. Le micro pas n'est de... pas ici, il est là. Ah, ouais, c'est ça. Ça s'est rapproché vers... C'est vrai. Non, en fait, parce que j'essaie de lire, mais... C'est ça, qu'est-ce qui est normal, en fait. Il faudrait avoir une définition du normal. Ah, mais après, c'est marqué. Alors, celles des pratiques que la loi proscrit sont classées comme délits ou des crimes sexuels dans différents pays. Le terme de paraphilie utilisé par certains milieux psychiatriques aux États-Unis à la place du mot perversion, considéré comme péjoratif. Il a été inventé par Friedrich Salomon. Ah, oh, un juif. Salomon, vous êtes juif. Vous êtes juif. Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh. En 1903, un sexologue du nom de John Monet... Fornofin, bien évidemment. John Monet Fornofin. Toi, bien, t'as un petit roulement de... Bon, bref, c'est pas grave. Attends. John Monet Fornofin. Je vois que les jingles sont toujours... Décalé, malin, c'est bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Il avait la main dans le paragraton, là. Il a popularisé le terme. Alors, pour pas dire que c'était péjoratif, mais c'est les intérêts sexuels inhabituels. Voilà. Il décrivait le paraphilie comme un embellissement sexo-érotique ou... une alternative à la norme officielle idéologique. Du coup, est-ce que... Ne mets pas tes testicules dans... Ah, oh, dans bon. Dans... La graffeuse. Dans la graffeuse. Bah après, autre chose. Ah non, c'est pas, il y en a, parce que vous allez voir, il y en a un faïs. Alors déjà, il y en a plein, j'ai pas tout lu, hein, parce que j'ai fait un peu à la one again, hein, comme d'habitude. J'ai lu les derniers surtout, parce que j'en ai rajouté un peu pour pimenter le truc. Donc, déjà, on a l'exhibitionnisme. Alors l'exhibitionnisme, c'est quand on montre, c'est... Qu'on a bien montré ses... Hein? Membres. Ses membres. Mais ses membres... Ginto. Voilà. Parce que ses membres, les mains, je pense que les jeunes, ils s'en foutent un peu. Quoique, dans certains pays, faut pas trop se montrer. Après, on a le fétichisme, donc pas c'est... Ouais, l'exhibitionnisme, c'est soft, quand même, comme truc. Oui, c'est juste... Tu te montres. Ouais. Mais c'est illégal. C'est toujours... Mais c'est illégal, oui. Après, c'est dans les lieux publics. Voilà. Ah, oui, voilà. Chez toi, chez toi, tu vas pas sur... Si tu te mets devant la fenêtre et que tu tripotes et que t'as des passants qui peuvent voir que tu tripotes devant la fenêtre... Il faut pas confondre l'exhibitionnisme et le naturisme. Ah, il y en a plusieurs trucs. Oui. Mais en fait, tu as du plaisir, on te montre ça. L'exhibitionnisme, c'est quelqu'un qui a du plaisir à montrer ses parties. Ou là, c'est... Alors après il y a le fétichisme, utilisation d'objets non sexuels ou non vivants ou de parties du corps d'une personne pour obtenir l'excitation sexuelle. Du coup, ne mets pas tes tétons dans la graffeuse, tu risques de te faire pincer très très fort. Ouais, ça c'est du fétichisme pur et dur. C'est vrai. Après il y a le frotterisme, excitation sexuelle obtenue par frottement contre des personnes non consentantes. Ah, c'est Frottman. Voilà. C'est ce que tu veux dans le métro. Je frotte le matin, je me frotte le soir. Je frotte la veuve et l'orphelin. Bon, la pédophilie, pas besoin d'en parler. Non. Les petits enfants, tout ça. Le sadisme. Alors ça, faut pas le confondre avec ce qu'on appelle le masochisme. Alors le sadisme, c'est plaisir obtenu en infligeant de la douleur. Oui. En infligeant. Ouais. Et le masochisme, c'est en plaisir recevant. En recevant. Très bien. Oui, c'est ça. Quand t'es sadique, c'est t'aimes faire mal. Voilà. Le sadomaso, il aime. Le sadomaso aime les deux. Là, c'est ça. Il aime bien Iran Irak. Après, le transvestisme. Le quoi? Le transvestisme fétichiste. Attraction sexuelle pour des vêtements du sexe opposé. Ouais. Ah ouais, donc ça c'est le papy qui se déguise en écolière. Hein. C'est ça. Est-ce que ça le... Ouais, mais il va à Japan Expo, donc tu te dis que... Japan Expo des. C'est le papy japonais qui se déguise en écolière et qui joue de la musique dans des... Donc le voyeurisme. Dans des publics. Après, on a le voyeurisme. Donc c'est du plaisir sexuel en regardant... Ouais, mais ça c'est marrant, ça. C'est... Ouais. Tu regardes. Ça le regarde. Que le regard comme déviance, c'est plutôt soft. C'est... Après, alors on a... Il y en a, parce que faut continuer, parce qu'il y en a. Ça, j'ai fait 3 pages, les enfants. Le vincilagnia. Excitation sexuelle obtenue par entravement. Un genre de bondage. Ah oui, voilà, du bondage. Après, on a le safe bondage, voilà. C'est le bondage sans partenaire. C'est illégal, ça, le bondage? Enfin, non, c'est pas les trucs qui sont illégaux. Hein. D'ailleurs, j'ai oublié de dire le titre. Ces gens-là sont déviants. La ville. Déviants ? La ville. Ah. Blague, évidemment. Attends. Ah, mon Dieu. Ah, illégal. L'acomoclitisme. Tu peux répéter ? L'acomoclitisme. Ce n'est pas un film sur le cyclisme. Non. L'attirance sexuelle pour les pubis rasés. Ah, c'est balèze. Il y a des mots, vous allez voir les c'est enfants. C'est déviant, mais... ça. Mais c'est pas du tout déviant. Ah non, mais il n'y a pas tout qui est déviant. Hein. Il a dit le monsieur à un moment. Ouais, il a dit embellissement sexo-érotique ou alternative à la norme officielle, idéologique. Oui, mais c'est le mais la norme officielle. Dossier. C'est... Ouais. Attendez, me dites pas que ça, après, c'est bizarre. Hein. Là, si t'es un berbe, tu peux pas avoir des poils de pubis. Ah ben rasé, non, berbe. Faut qu'on voit que ça pousse, hein. Quand même, berbe. Après, voilà, ça. C'est rien quand c'est rasé, merde. Ça, par exemple, me dis pas, quand même, c'est un petit peu chelou, quand même. L'acrotomophilie. Alors, il y a crotte. La crotte. Non. Si vous trouvez balèze. Attends, t'as dit phibie. Ou phili. Alors, c'est l'acrotomophilie. Ah, phili, donc qui aime. Ah, c'est tout, quasiment tout non, en phili. C'est, hein. C'est phobie, pas phili. Il y a quasiment tout en phili, les enfants. Hein. Phili de Friends. Ouais. Ah, tu pues le chat. Ouais. Ah, donc c'est quelqu'un qui aime les chats qui puent. Ah. C'est l'excitation par l'idée d'avoir des relations sexuelles avec une personne amputée. Genre, là, c'est déviant, ouais. Oscar Pistorius, quoi. Quelqu'un qui veut se taper. Tu connais pas? Non. C'est le mec, l'athlète... amputé, qui avait joué avec les... Qui avait participé à des Jeux Olympiques. Qui a participé à des Jeux Olympiques de valide. Et qui s'est fait choper par la police parce qu'il a buté sa femme. Ah, lui, ok. Oh, ils sont il y avait quelqu'un dans les shots, il a tiré à travers la porte et merde, c'était sa femme. Oh, c'est bon. Si on peut avoir un gun et tirer sur les gens, voilà. Putain, quoi. Au fusil. C'est ça. Alors, la podisophilie. La podisophilie. Une histoire de champignons, Nod. Alors, c'est... Le sujet éprouve le besoin de se déshabiller entièrement et de se montrer nu dans n'importe quel endroit. Alors, c'est pas tout à fait l'exhibitionnisme, tu vois. Donc là, ça se rapprocherait plus de... Une sorte de naturiste, mais très compulsif, tu vois. Ouais, tu baignes dans... Ah oui, mais en même temps, il veut se montrer nu, tu vois. Dans, ouais, là, t'es dans le... C'est démonstratif, tu vois. C'est pas... Moi, je le comprends pas comme quelqu'un qui veut se montrer nu. Je le comprends comme quelqu'un qui a des pulsions, en fait. Ouais. C'est ça, c'est un peu ça. S'il faut, ça peut être quelqu'un de totalement pudique qui n'aime pas se montrer nu. Ah, oui. De temps en temps, bam, il peut avoir des pulsions qui font qu'il va se foutre à poil sans réfléchir. Ah ouais, qu'il y en a. Je connais pas, mais... Ah, ben vous voyez que nous, on va faire par croire qu'on est normaux, entre guillemets. Après, l'asthénéophilie. Asthénéophilie. Excitation sexuelle provoquée par le fait d'être malade. Tu as la chiasse, tu fais une bonne branlette. Allez, une branlette, encore ça va, il y a pire. Du coup, ouais, c'est dans les soirées scato, ça peut y aller, quoi. Ah, ça toi, t'es malade, les gars. Ça va filer tartare. Ah, c'est sûr, ça va être cru. Hein. C'est une bonne chiasse, quoi. Alors, on va faire une petite sodomie. Ah. L'auto naît. C'est dégueulasse. Toi, je t'avais dit que ça pourrait durer très longtemps, vu qu'on va rire. Parce que je suis même pas à la fin de la première page, les enfants. Non, on dirait un dossier du Capitaine, quoi. C'est ça. C'est... Putain, ouais. L'auto-né-pio-philie. Je connais que l'autorino... Enfin, l'arin-pho-la... L'ORL. L'autorino-laringo. C'est attirance sexuelle pour les couches-culottes et par le désir d'être traité comme un enfant. Ah, c'est un petit peu le syndrome Peter Pan. C'est ça. Mais très extrême quand même. T'imagines, t'es vieux, t'es content quand même d'obliger de te faire pousser des couches. T'imagines le mec qui devient père de famille, il doit changer la couche de son gamin et il est excité parce qu'il doit changer la couche. Non, c'est sur lui. Il est excité par les couches. Ouais. Et par porter des vêtements de bébé ou je sais pas quoi. Ou être traité comme un enfant. Ouais, ou être traité comme un enfant. Mais il peut être aussi très bien excité par une couche. Oh, la vie d'une couche. Putain, j'ai 3 paquets chez moi, faut pas qu'il vienne ici. Hein. Ah, il va te faire sacrément l'être, hein. L'axilisme. L'axilisme. Ah, c'est quelqu'un qui aime bien les accents. Ah. Ou qui est un petit peu laxiste aussi. C'est vrai que les mots, si tu connais pas le grec, sont le grec de ça. Enfin, à moins qu'il y a rien, ça, c'est pas facile à trouver. Alors, en fait, c'est l'attirance sexuelle pour les essais, tout simplement. D'accord. Ouais. Bah, oh, toutes les chouilles, oh, c'est bon. Après, ouais, avec... enfin... Attention! Si c'est rasé, attends, tu combines avec le pubis rasé, c'est bon. C'est pas tu peux préparer un jungle. C'est pas très beau, mais. Pour le prochain. Oui. Le bouboupisme. Ah, pas celui-là? Non, tu verras après. Ah, le bouboupisme. C'est quelqu'un qui aime bien le boubou. Il est où le boubou? C'est pas forcément ce bout-là, mais. je voulais se réfléchir. Ah, c'est les orteils? Ah non. Les doigts? Au-dessus de la ceinture. Les bourrelets. C'est un boubou quand même. Mais okay, ça fait du boubou dedans. Très bien. Quelqu'un l'a trouvé. Excitation provoquée par le pincement des tétons par un partenaire ou par soi-même. Et tu veux quel jingle là? Ah. Ah, pas la graffeuse. Ah, attends. Ne mets pas tes tétons dans la graffeuse. Tu risques de te faire pincer. Très fort. Non, ça n'excite pas moi. En même temps, c'est les nôtres, on les connaît quoi. Non, il y en a marre quoi. C'est pas comme si on les voyait tous les jours. C'est ça. Je les vois tous les jours. Attention, le candolisme. Ah, bah c'est quelqu'un qui aime mieux faire l'amour sur Candle in the Way, in the Night. Candle in the Wind. C'est-à-dire que, un peu comme. Ah, vous saviez d'ailleurs que les Didi, ça, tu peux préparer déjà le jungle de blagues, que les Didi, elle aimait les rugbymen. À Paris, c'est tapé un pilier. C'est pas moi, c'est sur Twitter. Ah, je vous avais dit que ça allait être long. Plus c'est long, plus c'est con. Plus c'est long, plus c'est long. Non, en fait, alors le candolisme, c'est l'excitation provoquée. Ah, la cire de bougie. Provoquée par le spectacle d'une relation sexuelle de son partenaire habituel avec une tierce personne. Ou plusieurs. Ah oui, d'accord, ouais. Oui, c'est un cocufia. Oh, non, pas cocufia, mais oui. Ah, mais il le voit, hein, donc. Oui. Son goût, oui, donc cocu heureux. Le cocu heureux de l'être. Ouais, mais du coup, Goku, il le sait pas. Alors que là, c'est plus le fait de... il partage, c'est libertin, en fait. Bon, je peux déjà vous dire que les prochains vont être un peu plus trouvables. Ah, c'était les lépreux. Quoi ? Ah bon, on a déjà eu l'amputé, hein, on est pas loin. Hein. Ça casse, ça tombe, ça repousse pas. Hein. La chronophilie. Ah, c'est quelqu'un qui aime faire l'amour avec quelqu'un... pressé. Quelqu'un de très vieux ou... C'est ça, voilà. Qui a une certaine vraie différence d'âge. Ouais, faut qu'il... Ouais. Un peu la cougar, quoi. Mais, que ce soit... La cougar qui... Elle aime ça, quoi. Elle aime le chibre jeune, par exemple. C'est le mec de 20 ans qui se tape la mine de 90 ans, quoi. La mamie. Ah, le droit, hein. Ils ont le droit, ces gens-là. Hein. Là, c'est une granny, quand même. Ouais, mais c'est de la chronophilie. Mm. Alors, dans certains pays, ça doit marcher. Quand t'es en Équateur, celle-là, tu dois vraiment être pas bien. La cryophilie. Le froid ? Ouais. Excitation due au froid. T'imagines ? T'as un boucher. Oh ! Oh non ! Et un jour, il va lui arriver un accident. Il va vouloir couper la saucisse. Il... Paf ! À ton avis, est-ce que Jonah Falcon est à cryophilie ? Putain, même quand il fait chaud, j'aurais du mal à sortir son truc. Alors quand il fait froid, j'en parle pas, quoi. Petite pause, Bibi. Bilouz. La dendrophilie. Oh, c'est les dindes. C'est très végan. C'est très végan. Les légumes. Pas loin. Les courgettes. Plus global. Les légumes à caractère... Véreux. Encore. C'est caractère phallique. Encore plus générique que ça, les enfants. Les végétaux. Ouais, voilà. Excitation sexuelle provoquée par le fait d'avoir des relations sexuelles en contact avec des arbres et des plantes. La fougère, quoi. Ouais. La fougère dans le cul. Le petit fouet à la fougère. Ah ouais, ça. Putain, en plus, ça coupe les fougères comme ça. C'est vrai. Fougère, tic, plus coupure. Peut-être tu vas avoir des trucs de malade. Ouais, pas que des trucs alors. L'échangisme. Ah ouais, l'échangisme, carrément. Ah ben d'un coup, comme ça, hein. Non, c'est quand on fait une échange de partenaires. Ouais, c'est de l'échange équitable, quoi. C'est ça. C'est commerce équitable. Je te donne ma femme et tu la gardes. Bah non, c'est pas ça, c'est... Non, ça c'est mon échange, ils nous ont l'embrasse. Tiens, j'en veux plus. Ouais, ça évite de la tuer, quand même. L'hémotophilie. Ça a rapport c'est avec sale. Le sang. Avec le sang. Non, visiblement, non. Ouais, je pense aussi. Non, c'est pas du tout. Après, c'est un fluide, quand même. Le caca. Ah, la morve. Ah, la pisse. Non, ça serait urine. La sueur, la transpiration. Après, c'est un liquide plus ou moins compact. La graisse. Le vomi. Très bien. Excitation sexuelle pour le vomi. Dis-toi, lui, que quand t'as la mort, là, il est super content de venir te nettoyer. Entre ça et le mec qui aime bien être malade qu'à la chiasse. Ah, mais lui, il fait le combo, enfin, franchement, il peut t'avoir une trique, même pas, mais... Ça peut être une femme aussi, d'ailleurs, on dit toujours la trique, mais quand même. L'excessivophilie. Oh, ben, c'est quelqu'un qui est excessif. C'est ça. Excitation sexuelle provoquée par des pratiques à l'origine normales, toujours entre guillemets, mais voilà, un peu jure quand il bourrine le cul... Le mec, il laboure. Il y va au percuteur tendre, il va pas au percuteur tendre, il se fait plaisir. Il va au marteau pilon. Ah, on en a un paquet. L'exobiophilie. Je dis qu'on en a un paquet. Sur la table ? Ou derrière ? La table de derrière. Les chips ? Pas loin. Les patates. Pas forcément le légume, plus... Exobio, tout ce qui est bio. Plus la marque. Ah, par le fait que ça soit bio ? Non. C'est quelqu'un qui l'a acheté, quelqu'un qui doit... les Dragibus. Ah, juste au-dessus. Ah, les croquants. Non. Attirance pour les... Je vois exo. Exo, c'est ah, les extraterrestres. C'est ça. Par les corps étrangers. Ouais, par les extraterrestres. T'imagines... Non, mais eux, ils doivent pas bander souvent, quoi. T'imagines... Ah non, mais voir un ovni... T'imagines... Il faut être précoce, parce que... Non, mais... T'imagines le dos au cul qui doit te mettre, Kitty. La sonde, comme dans ce parc. Ah ben, coloscopie. Hein. Tu dois être d'un pas bien, mon porc, mais après, ouh, toi de bien. Bon, le fist fucking. Ça, c'est le fist, quoi, les points. Voilà, on se met des points dans les zéros, ça rentre. Le nez, ça rentre ou pas? Ah, je sais pas, j'ai pas essayé, mais... Un doigt, oui, mais deux doigts... Bonjour les dégâts. Voilà, dans chaque narine, oui, mais sinon... Un copain de tout à l'heure de la chronophilie, la gérontophilie. Non, c'est l'attirance pour les... jeunes. Les vieux. Mais quelle est la différence, du coup? Là, c'est forcément dans le sens jeune-vieux. Ouais. L'autre, ça doit être la différence d'âge. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà, tu vois, il y a des petites variantes, quand même. Après, alors là, celui-là, il est long. Ah, mais oui, c'est ça. Magnifique, celui-là, il est... Le godivisme. Les objets phalliques. Pulsion conduisant à s'exhiber à cheval et qui peut être considéré comme une forme de l'apophilisme. Donc en gros, c'est les gens qui aiment être. Attends, je sais pas compris. À s'exhiber sur un cheval. Tenu à cheval. Ah, c'est pas banal. Donc ça n'a rien à voir avec les godes. Alors, l'harpaxophilie. C'est quelqu'un qui fait de la harpe. Non. Alors, je sais pas si c'est le celui que je pense, mais bon, c'est pas grave. Non, en fait, c'est l'excitation sexuelle et l'idée d'un vol. Non, c'est un vol, je pense, un vol. L'arsin. D'accord. Le fourbe. Je sais pas si c'est un vol, on sait pas. On va laisser vivre ça. Sinon, c'est la suspicion. L'amour les fesses en l'air. Ma vie, j'ai rêvé. Le test de l'air. Tu vois qu'on a des références ici. J'ai rêvé. Un petit graton pour. D'abord. Parce qu'on n'a pas fini encore. Ah, d'accord. On est arrivé à la moitié. Ça va. Je sais pas combien de temps on y est. 27. Ça va, on est. On est dans les clous. Ouais, on est clous. Alors, j'ai été où? Ah oui. Alors, le vol. Après, on avait l'hybristophilie. Alors, rien à voir avec Bristol. Et avec les hybrides? Non plus. Non, en fait, les hybrides au Bristol. En fait, c'est une excitation. C'est alors l'attirance pour les personnes ayant commis des crimes. Des crimes. Des crimes. Ah. Pas Albert. Pas Albert crime. Non. Rien à voir avec tout ça. Hein. C'est des gens, je sais pas, comme genre Jean-Pierre Trébert. Oui, c'est comme aux amis aux États-Unis, les femmes qui tombent amoureuses des serial killers. Ah, alors on apprend d'un copain qu'on a déjà eu tout à l'heure. L'hygrophilie. De l'eau. T'es pas loin. L'hygro. Pense plus global. Liquide. Ouais. Mais liquide. Corporel. Faire l'amour dans la piscine. C'est... Notre ami Azertov avait raison. Attirance pour les sécrétions corporelles humides, gluantes ou visqueuses. Ah. Oui, donc en fait c'est de la transpiration. Transpiration, morve, pisse. Il va te lécher sous les bras. C'est le combo de tout quoi. Bon, les prochains sont quand même. Ça va, hein. Là il y en a deux. Infantilisme. Ouais, infantilisme, ok. Donc ça c'est l'excitation, jouer un bébé ou un enfant. Non, c'est toi tu joues un petit bébé et. Ah oui, d'accord. T'as une trique de cheval. Lactophilie. Bah, le lait. C'est ça, mais je serais plus précis, donc c'est les femmes allaitantes. Ah oui, d'accord. Oui. Les maternelles. Et attends, elles sortent leur nibar, hein, quand même. Les produits laitiers sont des amis pour la vie. La loutérophilie. Ah, les loutres. Ah non. Jean-Jacques, la loutre. Attention, celui-là, il est un peu chelou quand même. Excitation sexuelle provoquée par le frottement dans une baignoire. Oh, mais c'est marrant aussi dans la baignoire, quand même. Non, je sais pas moi. Oh, on peut niquer. Les frottements. Ah, on peut niquer dans une baignoire. De toute façon, techniquement, tu peux niquer partout. Ah, ben, suffit de. Avec un peu d'imagination, oui. Suffit d'une personne consentante. Hein. Par contre, c'est dégueulasse, mais. Ou pas. Deux personnes pas consentantes, comment ils font pour niquer? D'abord que tu m'expliques là. Bah, non. Ah, ben non, les. Sauf que les deux sont drogués, personne ne s'en rappelle. Ah, c'est trop chelou. Ça, c'est marrant ça. On va faire un film. Tu regardes. Écoute, tu couperas ça et on fera un film. C'est ça quand même. Après, on va breveter l'idée, hein, tout de suite. La maillotsophilie. Alors rien à voir avec un maillot. Ça c'est pour un ami. C'est la mayonnaise. Écoute, le ventre. Le gros bide. Ah. Les femmes enceintes. Très bien. Ah. Le mélangisme. Oh, c'est se mélanger. Mélanger. Et ça, c'est fini que. Enfin bon. Oui, c'est vraiment les libertins. C'est ça, ouais. Une quéquette par-ci, une quéquette par-là. Pas forcément une quéquette. Hein. Ah, attention, oui, celui-là, c'est un faux ami. Météorophilie. C'est le mec qui va se taper que les Guindelia. Non, non, ça on l'a déjà dit, c'était gérontophilie. C'est pas. Ouf, parce que même mieux, ça c'est méga gérontophilie là, parce que la pauvre elle a du kilomètre maintenant. La chronophilie. La chrono, ouais. Non, en fait, c'est l'attirance sexuelle par le fait d'être suspendu. Encore. Tu sais, c'est pour ça qu'ils vendent des balanciers là, je suis long. Heureusement qu'il n'y a pas le visuel, parce que les poditeurs seraient choqués. Bon, la nanophilie. À la main, ce qui est petit. Très bien. L'attirance par les gens de petite taille. Nano, j'ai compris mano. Ah, c'est vous la main. C'est la mano de gras. Ah, mon dieu, une main. Alors, avec cinq doigts. Un copain de tout à l'heure, encore une fois, le la nécro-dantrophilie. D'intro, d'un micro, ouais. On en avait parlé tout à l'heure quand on avait pas. Et vous aviez mis l'idée de courgette. C'est pour une légume pourrie. Non, mais pas loin. C'était la dantrophilie quand on avait parlé de courgette, mais j'avais dit que c'était pas assez précis. Que c'était trop. Ah, c'était tous les légumes. Eh oui, c'est ça, c'est l'excitation provoquée. Alors, l'excitation provoquée par des actes sexuels avec des arbres morts. Ah. Un vieux tronc d'herbe. Putain. Attention, c'est dégueulasse. Écoutez bien, la pédiophilie. La pédio. La pédiophilie. Ou pédio. La pédiophilie. La pédiophilie. Pédio. Je sais pas. Là, si tu aimes les clips de Kieri Pamnou Pamnou, je peux te dire que tu soulèves la table. Mais vraiment, tu soulèves la table à mort. Les pieds. Non. Les gens costumés. C'est pas le web. C'est toujours. La perruque. Il y a le mot pédio, c'est un peu pédo, tu vois. Pédicure. Non, c'est juste un peu le même, c'est dans la même thématique que le pédophile en fait, mais différemment. Ah, des gens qui s'habillent. Les adolescents. Pas loin. Non, c'est l'attirance sexuelle pour les poupées, les oursins en peluche et autres jouets. Ah, d'accord. Ni tu te drôles sur les Barbie. Ouais, bon. Tu. Non. Pourquoi que sur Barbie il y a. Et là, après, on a le podophilie. De la peau. Non, le podophile, c'est. Le pied. Très bien. Quand on va chez le podologue. Ah oui, le podologue. Le podologue, c'est les pieds, c'est pas le monsieur de la peau en fait. Comme un peu le poubelleur quoi. Le poubellier. C'est ça. Alors, ouh, il est compliqué ce mot. La pygmalionisme. Pygmalionisme. Alors, il y a pigment. Le pigment, ouais. Une sorte de couleur. Non, en fait, c'est juste impossible à trouver ces trucs. Oh putain, il y a un mot après, attention les enfants, on va pas s'y approcher. Non, en fait, c'est le fétichisme des statues. Tu sais, ça qui a pas de bras, là, la Vénus, là. Ah, la Vénus. La Vénus, et je te la mets dans l'eau, ouais. Pardon. Le penseur. Le penseur. La. Chiono. Pentaxophilie. Ça sera Chiono. Alors, ça vous fera penser à. Pentax. Pentax, c'est l'histoire d'appareil photo. Les gens qui ont vu Mussolini mourir ont été très excités, et ceux qui ont vu David Carradine mourir ont été très excités aussi. Les gens qui sont excités par la mort des dictateurs. Non, c'est l'attirance pour les cordes pendues. Ah, d'accord. Ah, balèze, hein. La scopophilie. Scopophilie. Alors, c'est un dérivé du voyeur. Qui ne cherche pas à se cacher ni à surprendre, donc c'est qui? Ah oui, d'accord, c'est juste quelqu'un qui est là. C'est ça en fait, voilà. Il aime voir les spectacles d'un film porno, quoi. Il aime voir, toi, il va au pipe show, il te regarde lui. Vraiment, il rate bien si t'es un beau chibre, quoi. Il rate si ça suce bien, tu vois. Il fait pas semblant, lui. Il ne tourne pas l'œil. C'est un voyeur, mais un voyeur qui s'embrale de se faire pécho. Quoi. C'est ça. Donc, en tout cas, ça lui plaît, tu vois. Tu vas choper, hein. Je vais te choper, oh, lui. Pardon, c'est la bière qui remonte, là. C'est l'habitude. C'est ça. La sidérodromophilie. Oula. Ah, c'est un truc d'otak. Hein. J'annonce, truc d'otaku. Mais en vrai. Des figurines. Taper. Non. Les coussins. Truc d'otaku japonais. Que font les otaku japonais? Personnages. Ah, les. Ah, bah, ils achètent des coussins. Je vais rappeler un truc d'internet très connu. I love. Rock'n'roll. Non, c'est un truc qui fait un mème. I love thé. I love. C'est un truc que les otaku japonais aiment. Mais ils aiment vraiment. Mais il y a des otaku pour ça. Tentacule. Ah. Ils sont souvent à la bourre, chez nous. Ah, les trains. Oui. Ah. Très bien, l'excitation sexuelle provoquée par les trains. Vas-y, répète le mot. La sidérodromophilie. Ah, fallait le trouver, hein. Ouais. Joli. Excitation sexuelle provoquée par les trains, ce fantasme conjugue plusieurs facteurs. L'intimité du compartiment, sa proximité obligée. Exhibitionnisme sans risque. Sans risque du train passant devant les habitations. Putain, c'est pas écrit. Récit érotique ou le train pour cadre. Oui, les enfants, ça va trop loin tout ça. La cytophilie. Vous ne contrôlez rien. Alors, la cytophilie, il y en a un peu sur la table et le copain vient de mettre la main de dame, mais entre guillemets. Mais c'est dégueulasse. Mais entre guillemets, double. Les bretzels ? Non, c'est utilisation de la nourriture à des fins sexuelles. La... Bah, le chantilly, quoi. Je sais pas, le chantilly, le miel, le Nutella... Oh, celui-là, il est simple. Les deux prochains sont simples. La somnophilie. Ah, quand c'est somnambule. Tu as tapé quelqu'un qui est endormi. C'est ça. Tu lui mets dans le cul. Ah. Toujours. Mais ça s'appelle le sexe par surprise, ça. Ouais. Le surprise bête sexe. C'est ça. Où est le consentement là-dedans? Bref. Il est avec le respect. Dans le cul. Et tout est repassé. Il est où, le respect? Ah, on le cherche encore, hein, je le cherchais. C'était, bah, tu l'avais vu dans le dernier JV Le Mag. Ouais. Il y a un quiz au milieu pour les jeux d'été où il demande une question, c'est dans quoi? Dans quel jeu? Dans Zelda ou je sais pas quoi. Non, c'est pas dans Zelda. Non! C'est pas dans un. Bayonne ou je sais pas quoi, non? Last of Us, non? Je sais plus. Il demande le héros d'un jeu vidéo doit rechercher un truc dans sa le fille, jeu. Je sais pas quoi. La Triforce, Excalibur, la princesse Zelda, le respect. Tout de même. J'ai vu, c'était genre un truc genre. Last of Us, on va dire quoi. Ouais, je sais plus exactement ce que c'est. Bon, bref, c'était tu niques les gens qui dorment. Ouais. Déjà qu'on a du mal à dormir. La spermophilie. J'espère. Voilà. La cyprinophilie, elle est où? Avec le respect et tout le reste. Attention, alors là, c'est un peu chelou, la tératophilie. Ah, le baiser avec la terre. Dans la boue? Non, c'est des gens qui pourraient être attirés par moi. Et les prochains pourraient être peut-être attirés par moi aussi. T'es brun? Quelqu'un qui parle beaucoup? Non, en fait, ça c'est vrai. En disant ça, vous pouvez pas trouver. L'attirance pour des êtres socialement considérés comme difformes, monstrueux ou inhumains. Inhumains. Tu vois, si t'aimes... Oui, toi, quoi. Ah, c'est ça. Ouais, tu vois. Donc, la nanophilie serait une sorte de... Oh, mais il est petit, que petit. Genre, ça passe partout, mais il est pas difforme. Mais il est petit, quand même. Oui, mais ouais, il est petit forme. Il est quand même difforme. Ah, c'est sûr que socialement, il est difforme. Ça dépend comment tu considères les gens de petite taille. La trichophilie. La trichophilie, donc c'est quelqu'un qui... Avant de chauffer, bah tu préchauffes. Ah, je peux dire que ALS, ça va lui plaire. Ah, la bite. Ah, non. Ah, non. Je rentre bien dans ces considérations, on va dire. Les poils. C'est ça. L'excitation sexuelle par les poils et les cheveux. Ah, alors, tu peux trouver pareil, la trimamophilie. Ah, quelqu'un qui a trois seins. Oui. il se tape tout le temps la queue devant Total Recall. Et on peut plus. Oui. Ce film est rayé à mort. Bon, ça, c'est très simple. Je sais plus si dans le remake qu'ils ont fait, il y a aussi les 300. Non, c'est dans... Oui, c'est dans Total Recall. Oh, mais attends, oui, c'est dans Total Recall. Attention, maintenant, ils sont chastes. Hein. Puis, c'était Paul Verhoeven, alors... À l'époque, on s'autorisait tout. Le vampirisme. Sucer de sang. C'est ça. La chlorophylle. Bah, la chlorophylle. Non. Alors, je sais pas si c'est phile ou phylie, je sais pas. Voilà. Attention, alors là... beaucoup de gens, bizarrement, en ont peur. Des araignées, non. Du noir. Non. Du lapinou. C'est quelque chose de très festif. La fête? Non, c'est festif, la fête. Bah, c'est festif, la fête. Non, c'est ces gens-là, mais beaucoup de gens en ont peur, surtout quand on est petit. De ton âme. Du clown? C'est ça. Attirance sexuelle pour les clowns, les mimes et les bouffons. Ça. Comment il s'appelle le clown de ça? Hit. Pardon. Non, j'ai jamais vu ça. Si tu veux. L'alectophilie. Quelqu'un qui allait. Comment te dire Non. Non, c'est pas ça. Je cherche une référence. Père Dodu aime ça. Ah, les cordons bleus. T'es pas loin. La panure. T'es. Non, moins. Les dindes. Ouais. Les phalloènes, c'est quoi donc? Bah, la dinde de. Les volailles. C'est ça. Attirance sexuelle envers les volailles. Et je note. La, je note la petite. Il aime bien la fourrée, celui-là. Et d'ailleurs, je note le petit, la petite virgule derrière, la sodomie. Non, non, la visodomie est une pratique sexuelle qui consiste à sodomiser un. Une navire. Tu mets ton petit oiseau, ton petit oiseau. Avec là, ça passe. Le flatulophile. Quelqu'un qui aime les pétés. Les pés, les proutes et les miasmes. La voraréphile. Un voraréphile. Alors, il y a. Hein? Les veaux. Les veaux, qu'il aime les veaux, le championnat de jeux vidéo, là. Mais non, les veaux, la bête. Ah. Non, non, non, non. Alors, il y a un manga qui pourrait s'en rapprocher, ça doit bien les... Ça doit bien les... Avoir... Métier. Ah oui, il doit avoir le chibre. Ben, le chibre comme les personnages qui font ce truc. C'est un chibre... Et, oui. La natation. Un chibre monstrueux. Les hentai. Non, non, non, non, non, non, non. Un chibre monstrueux, tu vois, très, très grand. Et ces gens-là, ils font des trucs avec d'autres gens. D'accord, à sauter. C'est des gens très très grands. C'est des gens très très grands et pas très sympathiques qui font d'autres choses, trucs à d'autres gens. Des yakuza, la torture. Non, très très grands, très très grands. Des sumo. Ils font pas 2 mètres quoi, ils font. Des géants, ah, l'attaque des titans. Oui, c'est les gens qui sont attirés par les. Par manger d'autres gens. Ou se faire ingurgiter, je sais pas. Parce que c'est très. Ah, mais je crois que j'ai entendu un truc, je sais pas s'il est passé dans le podcast ou dans le Oiseuf, où il y a un mec qui a passé une annonce pour manger une autre personne. Ah, oui, je crois, oui. Après, alors là, on a un copain d'un gars de tout à l'heure, c'est l'apotémophile. Alors, rien à voir avec Alpo, hein, l'apotémophilie. L'apocalypse. Alors lui, tu vois... Il ira bien avec un copain malade, tu vois, mais il veut pas vraiment être malade. Ou malade. Il aime donner de la maladie à quelqu'un. Non, lui il veut être malade que sur lui-même, mais c'est pas vraiment une maladie, quoi, tu vois, c'est un peu différent, tu vois. C'est un peu beaucoup très différent d'une maladie, quoi. Attends, il veut être malade sur lui-même, mais il veut pas être malade. Enfin, une fois que tu as fait ça, t'es pas très frais, quoi. Et tu. Il veut mourir. Non, en fait, c'est qu'il fort désir de se faire amputer. Ah. Après, être en amputation, t'es pas très frais quand même. Mais... Bah, ça dépend. Ça dépend si t'es malade, mais bon, je pense pas que le type il va attendre d'être malade, quoi. L'abasiophile. Là-bas. Ah, ça va un petit peu avec le truc d'avant. Quelqu'un qui. Amputer des gens. Ah. Se faire abattre. Non. Il est attiré par des gens. Et c'est des gens qui. Ils sont. Ça va pas fort, tu vois. En fin de vie. Non, ils monteront pas ces 4 marches, tu vois. Déjà une. Ça va avoir un problème. C'est handicapé. C'est ça, voilà, c'est attirance pour les individus avec mobilité réduite. Ils aiment bien les vieux déambulateurs. Ils font... Pardon. Peut-être pas forcément les vieux, mais j'en ai mieux. Alors le pnignophile. Tu imagines, je mange une cacahuète. Avec des cochons. Pygnophile, je mange une cacahuète. Que peut-il se passer? Elle dit ça pas un peu très grand. Ouais. Si t'es allergique, tu peux mourir. Pas loin. Étouffé. C'est ça. Attirance par les gens qui s'étouffent. Ah, qui s'étouffent. Ouais. C'est pas le fait d'étouffer quelqu'un. Ah. Eh ben, ah. Genre, il y a quelqu'un qui s'étouffe. Genre, t'es étouffé comme ça, ça t'excite encore plus. T'es sûr que lui, il va pas t'appuyer sur le sternum tout ça. Non, non, non, non, non, non, non, il va pousser de l'intérieur. Il va pas s'emmerder, lui, ça va être très bien. Je vous avais dit qu'on allait rigoler. Hein. Le tafophilie. La tafophilie. Le mec qui aime bien faire l'amour au taf. Non. Prendre une taf à la cigarette. Alors, lui, il va. Là, bon, c'est pareil. C'est, il va opérer la chaise, il en peut plus. Ah, les tombes. Ouais, il aime faire l'amour sur les tombes. Et dans les cimetières. C'est un amoureux des cimetières. Il tirait le lait sur vos tombes. La galmatophilie. Ceux qui ont la gale. Il aime faire de. Bah, en fait, c'est un peu un copain de tout à l'heure. En fait, celui qui aime les statues, les mannequins et des trucs un peu immobiles. Tout ce qui est de forme humaine et immobile. Ouais. Et ben, le mec, il va au musée de Madame Tussaud, il a besoin, je crois. Ah, mais il doit pas débander la journée, quoi. Bref. L'andromimtophilie. Andro. Ah, andro, donc c'est. C'est pas celui qui aime les compotes ou le boss dans Star Wars. Ouais, andro, c'est les hommes. Ouais, androgyne, c'est plus. Non, c'est les deux, c'est pas différencié, c'est. si c'est un homme ou une femme, en fait. Bon. Être androgyne, c'est par exemple le chanteur de Tokyo Hotel. Androgyne, c'est quelqu'un qui ressemble à... C'est un homme, mais qui ressemble à... Ouais. Je sais pas si dans l'autre sens c'est pareil. Ah, qui rince vers les hommes. Bah, je sais pas parce que. Envers les hommes, alors c'est un petit peu mal mis. Ouais. Vers les transsexuels. L'andropause pour les hommes. Qui va en ménopause. Non, tu vois, c'est quelqu'un, il voit les hommes transsexuels, il en peut plus, tu vois. Il est pas bien. D'accord, c'est quelqu'un qui est attiré par les trans. La biastophilie. Du coup, les hommes en femme. La biastophilie. Attention. Alors là, je suis pas sûr à 100% celui-là. Si t'es pas sûr, tu te sens pas sûr. En fait, j'ai pas bien. En fait, c'est le viol. Violer. Je crois que c'est le fait de violer. Lui, ça lui plaît, mais vraiment. Il veut pas violer pour ce. Non, c'est violer qui lui plaît. T'es consentante ? Oui. Oh merde. Bon. Et comme dirait Richelieu, le violer, c'est sacré. C'est ça. Érotophonophilie. Alors, entendre, roter. Non. En fait, c'est vraiment. C'est le meurtre. Excité par le fait de. C'est le coup de couteau. C'est ça. Et 20 bits. Coup de couteau. Fornifilie. Ah, c'est par la fornication. Non, dans une fornica. Alors, ça, il y en a partout. Ou dans les fortifications. Alors, il y en a trois assis à cette table. Et il y a le reste. Les célibataires. Non. Forcer un humain à être un. Objet. On en a trois ici. Ah ben c'était un humain, trois. Forcément, trois objets, j'ai dû l'appeler. Ah, le liquidophile. Quelqu'un qui aime bien le liquide. Hein. Ben, en fait, il aime faire l'amour dans la baignoire. Hein. Ouais, je pense que c'est un peu ça. C'est noyer ses parties génitales dans un liquide. Noyer quoi. Attends. Bah noyer. Si tu mets pas tes couilles dans un verre d'eau quoi. Non. Mais... Et tu mets dans la baignoire, il remplit la baignoire, il fait dedans, dehors. Non, mais comment tu peux noyer des parties génitales, quoi? Mets de l'eau jusqu'au cou. Ah oui. Tu vas être plus immergé. Oui. Noyé. Bah non, c'est pour ça. Tu mets dans l'eau et t'as. Tu peux plus respirer, mais tu respires pas. Mais noyer, c'est pas forcément bon, j'ai raison, quoi. Bah si. C'est comme immoler. Immoler, c'est forcément t'allumes par le feu. Non. Bah quelqu'un qui sinon c'est quelqu'un qui allume un feu. Non. Immoler ça veut dire sacrifier. Immolation ça veut dire sacrifier quelqu'un. Ok. Oui. Pour ça que quand on parle d'immolation par le feu, c'est pas une faute de. À noter que ma bière a du dépôt. Parce que tu peux immoler quelqu'un par le feu. Immoler quelqu'un c'est le sacrifier, pas forcément voir le feu. Oui. C'est une déformation grammaticale. D'accord. Bon il est simple celui-là la pyrophilie. Bah par le feu. Très bien. Eh. Le transition. Le saco. Fricose. Il aime bien les sacs un petit peu chers. Il aime bien le sac à rose. T'es pas loin de l'idée de sac. Il aime bien mettre des. Il aime bien mettre des jambes dans des valises. Quand tu bras, on dit que tu mets les mêmes dans les. Poches. Ouais, mais les poches de jeans. Il aime bien les se poches dans ses poches. Très bien, faire un trou dans sa poche dans le but de se masturber en public. Aïe. Le zoosadisme. Un gentil monsieur. Bah, il aime les, mais lui, il est torturer des animaux. C'est ça, lui il encule la poule, mais il aime bien quand ça touche au fond, quoi. Il préfère même. Tu vois. Et le pédovestisme. Les enfants habillés. Pas tout à fait. Non, les vêtements d'enfants. T'es pas loin. Se branler sur des vêtements d'enfants. Non. Des petites culottes de taille 12 ans. Plus tu les. C'est ça. S'habiller. Mais comment tu veux enfiler un manteau d'un gamin? Ouais, s'habiller comme un enfant. Tu mets une manche. Tu vois, il voit qu'il arrive pas du bas de faire pareil. Tu mets une manche et tu te branles. Tu vois, lui il veut faire comme Kerry Pabu, il veut s'habiller un peu comme un gosse, mais pas pour les mêmes raisons. Donc, bah écoutez, je vais passer à. Parce que maintenant notre quiz est fini. Ah, c'était un quiz, c'était pas un dossier. Bon, c'était un dossier quiz, hein. On a appris des trucs hein, quand même. Hein. Oui, c'était le C'était entre les deux. Donc, pour faire la transition, je vais vous parler d'un truc que j'ai cherché pendant longtemps. Donc, c'est une idée que j'ai piquée au podcast. Hein. C'est un compte rendu d'un procès d'un zoophile. Je cite, procès d'un zoophile, et les chiens étaient... Inconsentants. Consentants. Ça date de 2005. Hein. Alors, bien évidemment, ça se passe en Belgique. C'est bien. Belgique, évidemment. Pas les oiseaux d'habitude c'est en Angleterre ou en Allemagne. C'est bizarre, hein. C'est très raccord avec la bière qu'on boit. Que la Belgique est entre les deux. Alors, un jinquois perturbé poursuivi pour zoophilie. Donc voilà, une première en Belgique. Un habitant de Genk. Un habitant de Genk, de 36 ans, a répondu jeudi devant le tribunal correctionnel de Tongres de fait de zoophilie entre 1997 et 99, parce que c'était en 2005, ce compte rendu. C'est les Chevaliers du Fiel qui m'avaient appris ça à l'époque, hein. Et la publication sur internet des photos de ses performances sexuelles, parce qu'il mettait en plus ses photos voilà, sur internet, sur le pseudo de Freaky. Ah non merde, c'est pas Bubbleski. C'est pas Yuski Bubblegum. C'est la première fois en Belgique qu'une personne est poursuivie pour de tels faits. En même temps, je pense que les animaux sont chargés. Le tribunal prononcera son jugement, donc ça c'est plus tard. C'était pas des mules. Oh. Pas chargé. Donc je vous laisse imaginer, je pense que l'organisation de défense des animaux, Gaïa, t'es énervé devant les faits quand même, cette petite personne. L'enquête judiciaire a permis d'identifier le prévenu, bien évidemment, d'autant plus qu'il avait publié des photos de ses actes zoophiles sur internet et regardé fièrement vers l'objectif sur les clichés. Je crois que j'en ai entendu parler en plus de cette histoire. Ah, ils avaient parlé à l'époque dans les Chevaliers du Fiel, à une époque antidiluvienne. J'en ai entendu parler il n'y a pas très longtemps dans un oiseau. Ah ouais? Ah oui, mais lui, je pense qu'il a il est un petit peu... Voilà. Alors, à l'audience, le Jean-Quoi a expliqué que les chiens avaient systématiquement pris l'initiative. Et qu'il ne leur avait fait jamais de mal. Et qu'il leur avait fait jamais de mal. Mais si, monsieur, c'est lui qui m'a grimpé dessus. Oui, bien évidemment. Les relations sexuelles avec les canidés étaient consenties. Et il n'a jamais été question de la moindre contrainte, a-t-il ajouté. Entre 97 et 99, le prévenu travaillait comme volontaire dans une asile. Dans une SPA. Dans une SPA, bien évidemment, à Genk. Hein si, il me pose des heureux œufs, il n'y a pas de prévenu. Alors, quand le juge s'est enquis, s'il est normal d'entreprendre des rapports sexuels avec des chiens, le trentenaire a répondu qu'il avait seulement voulu faire plaisir aux animaux en leur permettant de faire l'amour au moins une fois dans leur vie. Quand même, hein. Quand même, merde. Bah ouais, les pauvres animaux de la SPA. T'imagines, les pauvres, ils sont tristes, tout seuls, dans leur cage. Brigitte Bardot, elle vient jamais. Et le type, il est là, il est seul. Et l'animal, il est là, il est seul. Il peut quand même leur procurer du plaisir. L'animal, un animal des animaux. Mais oui, parce qu'il y en a plusieurs, parce qu'il a fait ça à plusieurs. Et puis il se dit, bon, 15 cm dans un chien, ça fait pas mal. Quand alors, même. Du coup, breaking news, les lauréats des podcasts Pod Radio Awards sont connus. Ah. Donc dans on les... Gagné, bah non, il n'était pas dedans. Il fallait minimum 3 trucs. Ah merde. Donc les gagnants sont, en tout cas en termes de vote, à l'affiche, une fille, un podcast, ouais. Audio, oui. Audio Dramax, Gamecraft, l'inaudible, Animé nos mélodies, On achève bien les endives, ouais. Et Podcast Fluence. Bon bah que du bon. Voilà, voilà. Mais j'écouterai tout ça. Que du bon, je connais pas. Si, je connais une fille en podcast, oui. J'ai essayé d'écouter, mais j'ai pas accroché. Oui, moi, une fille en podcast, c'est dans la dernière émission, j'en ai parlé. Oui. J'ai pas accroché, j'ai écouté 2-3 épisodes, mais... Non, c'est bien, mais il faut accrocher un peu. Alors, un chien de l'asile qui est adopté par une jeune famille avec des enfants n'a jamais l'occasion d'avoir des rapports sexuels. Et s'il laissé, on le castre, a-t-il expliqué. Tu vois, il est gentil, tu vois. Il s'occupe des animaux qu'on va castrer. Il se dit, bon, quand même, il va jamais niquer dans sa vie. Je peux quand même un peu lui apprendre une autre chose. Je vais jamais niquer, je vais le sodomiser. C'est ça. Un peu comme l'épée des rastres, mais pas pareil, quoi. Tu vois, il se dit, bon, on va essayer de lui faire un peu de... On va lui apprendre quelques trucs. Alors, il a dit réprouver les sites internet où des femmes utilisent les chiens comme God Michel Viva. Donc, en gros, il aime pas vraiment la zoophilie, hein, à l'envers. C'est pas une zoophile. Non, pas vraiment, tu vois. C'est juste un monsieur qui veut faire plaisir aux animaux. Ils ont quand même saisi 30 000 photos, hein, compromettantes, hein. Même moi, j'ai des fichiers pour moi, j'en ai pas autant. Toi, j'en ai. Hein. Mais quand même, voilà. Alors après, il y a il y a toujours une petite expertise, tout ça. Le conseiller, joli. Alors le prévenu n'éprouve aucun remords. Et qu'il est indéniablement perturbé. Il a bel et bien abusé des chiens. Et qui, certainement, et qui, contrairement aux autres êtres humains, n'ont pas la capacité de signifier leur abusement. Bien évidemment, le jour où le chien parlera, on le saura. 6 mois de prison, hein, c'est tout, hein. Et 5000 euros d'amende, donc en 2005. Donc, ouais. Je crois que c'est ce que. Dans un oiseau, justement, Quaco aussi donnait les barèmes de prix, ouais. Par rapport à ce que tu faisais aux des animaux. Je suis sûr que dans The Wasp, il en a déjà parlé. Mais après, c'est possible, moi je suis un mec qui bossait à la SPA et qui s'était tapé plein de chiens. Je suis un petit peu en retard sur les Wasp. Mais il y en a un qui a monté un chenil aussi pour niquer les animaux. Bah, parce que lui, autant. Eh, voilà. Pour une fois qu'on a l'esprit d'entrepreneuriat, on n'a pas blâmé les gens quand même. On va en profiter quoi. T'en vois vite. Donc voilà, c'était un bonhomme, finalement, qui aimait un petit peu trop les animaux quoi. Donc, hommage au baron, bien évidemment, qui lui aime, baron. Qui aime les animaux. Espérons que certains le verront à Podrel, lui feront la bise de ma part, et qui me rappellera cette année aussi. Bourré. Bourré, pour me raconter quelques truculentes soirées avec la péripétie avec la baronne ou autre. Mais tout ça restera dans le secret des arcanes. Ouais, exactement. C'est que ça professionnel. Ah, mais j'ai des gens, des podcasteurs qui m'ont appelé, je ne sais plus qui c'est. Si les gens de. Ça va être. Merde. Le bro de cast. Oui. Ce chien. En fait, une fois, j'y suis allé sur un live et ils m'ont reconnu. Mais c'est toi qu'on avait appelé. Mais oui. On sait pas pourquoi d'ailleurs. Podrenne. Voilà. Ouais. Ce qui se passe à Podrenne. Bon, déjà qu'on dit que les podcasts. Est disponible en podcast. Déjà qu'on dit que les podcasteurs sont consanguins, si en plus ils passent entre eux. On peut plus rien faire. On peut plus rien faire. Bah, vous savez, hein, les animaux, tout ça, c'est ma grande passion. Bref. Donc voilà, c'est comme ça que je finis ce dossier. Sur une paraphilie de type zoophile. Eh ben, merci. C'était pouf. Et bien évidemment, il y aura le quiz de tout à l'heure, le quiz magnifique qui contient un titre d'anthologie, encore une fois. Mais ne teasons pas trop. Ouais, évidemment. N'est-ce pas ? Restez jusqu'à la fin. Restez jusqu'à. Oui. N'est-ce pas ? Là, c'était un petit moment un petit peu chaud. Là, on va s'étendre avec mon quiz. Ah. C'est un blind test. Ah. Donc, il faut que je serai animé. Bah, personne ne fait de blind test cette fois. Donc... Bah, ouais. Faut-il mettre l'écouteur ? Parce que je suis. Oui. Je suis indiscipliné aujourd'hui. Donc, c'est un blind test animé ? Animé. Donc, tu nous mets des OST ? Principalement des génériques de début. Ok. Autant dire que là, ça commence à piquer. Moi aussi. Ouais. Je suis qu'à la moitié de la bière. C'est pareil. Moi, ça là, s'il y a du dépôt, c'est pas possible. Bah, les ambrées, ouais, en général. Donc, du coup. Ben, les brunes. On commence par le premier. Ouais, FMA. Je vous dis. Salut à tous. Salut, on dirait The Mask. Non. Ace Ventura. Yep. C'est l'éléphant. Ah, mais c'est pas des animés. C'est un animé. Ah oui. Un animé Ace Ventura. Ouais. T'es sérieux? Ah ouais, ouais. Qui passait sur M6. Peut-être, c'est possible. M6 Kid avait Nathalie Simon. Ou je sais plus qui. Non, c'était pas Nathalie Simon. Non, c'était Simon, c'était Egal M6. Egal M6, je sais pas quoi. Du mardi. Parce que le dimanche, c'était Makiski et mardi, peut-être. C'était Egal M6 découverte. Oui, c'est vrai. Avec Nathalie Simon. Non, mais oui, oui. Non, c'est elle qui ressemblait un peu, moi, mais non, elle avait des grosses dents. Je sais plus. Mais bref, oui, il y a eu un dessin animé, elles ont tué. Mais c'est, ils ont gardé la même voix. C'est pour oui, ça oui, ils c'est ont Emmanuel Curtil. C'est Emmanuel Curtil avec plein d'animaux, quoi. Putain, c'est énorme. Ouais. Ouais. Attention. On avait vu déjà à l'époque. Moitié homme, moitié robot. Albator. Albator. Ça manque de rodents italiennes quand même. Teasing du prochain quoi qui se passe spécial. Spécial. Non, spécial. Jabinta. Jabinta. With sandwich. Featuring sandwich et canette de soda. Because. Pour bouffer. Attention. Faut choper de la base à méthane. Oh. Rac. Le cosplay. Good morning, USA. I got a feeling that it's gonna be a wonderful day. The sun in the sky. Moi, je compte pas les points, mais gars, de toute façon. Ouais, ben même partout. On est trop bourrés, de toute façon. Il y a deux. Voici l'heure des animaniacs. On a des jambes à max. Soyez cool, soyez relax. Si on leur dit pas de taxe, on est les animaniacs. C'est quand même assez simple. Hein. Ah, il le dit au début, donc oui. Voilà. Mais en fait, j'ai remarqué. Ah oui, on est les. Les amis. Par période, en fait, t'as soit le nom au début, soit pas le nom du tout. Soit pas le nom du tout, soit des fois pas du tout de parole. C'est un peu du prog, quoi, c'est ça? Ouais, c'est selon les années ou selon la production. Stargate. Docteur Who. Au pays de Candy, comme dans tous les pays. En s'amusant. Non, moi aussi. Non, non. Okay. Est-ce que savoir quelque chose avec le sucre? Candy. Candy. Je sais pas. Candy, candy, candy, candy, candy. Non, me fais pas changer de palette. Pourquoi je chante en allemand? Trois mariages et une serrure. Oh. C'est assez mieux. Il a pas de... Tim Burton. Avec Michael Keaton. Il y a eu aussi un dessin d'un miroir quelque part. Hein? T'as un miroir quelque part? Beetlejuice. Il est bien ton film. Je l'ai, je crois. On peut se le faire après. Oh, on va le bourrer. Que ça suit déjà? Putain, le bisounours? Non. C'est mon cul. C'est du shoujo. Oh, c'est du hentai. Ah, c'est du hentai. J'ai pas vu beaucoup de hentai. T'as pas vu les trucs avec des tentacules? Sors-toi en train de te foutre dans la gueule. De quoi? Les trucs avec des tentacules. Non. C'est vrai? J'ai vu qu'un seul hentai et ça m'a beaucoup fait rire, mais c'est tout. Ah, est-ce que c'est celui où il ouvre sa braguette et sans action de mécanique? C'est que sa vie, il ouvre la braguette. Donc vous savez pas? Non. Flipper? Non, on a une Galette. Histoire de chien. T'as quoi? Une histoire de chien, il vient de perdre de dire le meilleur ami de l'homme. C'était. Belle et Sébastien. Ah! D'accord. Est-ce que c'est une histoire de zoophile? De gentil monsieur. Et... D'accord. C'est un gentil petit garçon. Ouais, c'est un petit garçon. Bon, il fait pas trop mal au chien, quoi. Non. Il foque! Oui. Mais moi, en cloque! Je sais que je jamais. C'est quoi ces paroles? Il est joué de mauvais tour à des animaux des Billy the Cat. Oui. Mais oui, très bonne BD. Bon, faut s'arrêter au premier run, hein, qui a pas été fini d'ailleurs, ni le second d'ailleurs. Bref, n'en parlons pas. Non, mais oui! Que dessin animé. Ah, c'est que dessin animé. Mais oui, putain, mais oui! C'est plus une mission impossible par un dessin animé. Non! Je dois regarder ça! Black et Mortimer! Ouais. Black et Mortimer! Ah, c'était bien en plus! Toi, t'as soit les paroles qui te disent directement le titre, soit aucune parole! Je savais pas que Black et Mortimer avait été adapté à un dessin animé, tu vois. Si, ça avait passé le, sur le la Le problème de Black et Mortimer, c'est que c'est très verbeux. Hmm. C'est bien, c'est vachement plus adulte normalement comme BD, ouais. Non, Blake et Mortimer. Ah, c'est vachement bien, bon, j'aime bien, mais c'est vrai que c'est. Je viens d'avoir un ou deux tomes chez mes parents. Ah, il est très bien. Attention, le suivant. Ça fait chaud. En voiture, tout le monde. Le bus magique avec Émile Louis. Mais oui, Émile Louis au soleil. J'ai tellement vu quand j'étais petit ça, mais je m'en souviens pas. Ah, oh, mais moi, c'est Émile Louis. Hein. Ah, je te dis, j'ai redécouvert des trucs. Je suis là, putain, mais oui, c'est ça. Ah ouais. On le chantera à Jap in Town. Ouais. Allez. Y'a pas coucou de circus. Oh putain, ah, le bâtard. Au fin fond de l'univers, à des années et des années. Flamme, mais oui, capitaine de l'œil. Veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'est plus capable. Le bâtard, le faussaire de l'espace. Pardon, c'est les. Ça, c'est vieux. Une planète. Ouais. C'est vrai, mais tu as raison. Le nom au début, vous avez Captain Planet. Quand ton taux de glycémie a dépassé 3, tous les petits enfants se tournent vers toi. Référence au jour du grenier. Spécial épisode avec le taux de glycémie. Je sais pas. Tu vas piquer ça. Là, je connais pas le dessin animé non plus. Ah, Carlos. Ah, non, mais j'ai pris plein de trucs à un moment. Non, ça m'a fait. Il y a même des animés, Carlos. Ouais, c'est vrai, il va remonter, moi. Ah, mais c'est vrai. Cathy la petite fermière. Ça existe ? Bah apparemment. Est-ce que ça faisait niquer dans les champs ? Ça, t'allais chercher ça sur Coucou Circus. Ah non, Blind Taste dessin animé. Allez hop, une liste. Le mec s'est fait aussi chier que moi en fait. C'est ça en fait. En fait, on est des intermittents du pestage. On est des escrocs. Bah non, mais au moins comme ça. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens nous écoutent. Attention. Chapi chapeau, puis la peau. Chapi chapa, puis le pas. Quoi? What? What did you just say? Candy, non, Heidi. Non. Annette. Dans les Alpes avec Annette. Elle fait la branlette. Une beurette. Tout que des rimes Annette. Une beurette. Ah, un facile. Vous allez trouver tout de suite. Pac-Man. Mais les Digimon. Bah oui, il vient de le dire. Digimon. Bah c'est pareil, c'est le truc qu'on a jamais vu la fin. D'ailleurs, toi, j'ai Digimon ou pas encore. Je sais pas. Mais c'est le truc qu'on a jamais vu la fin. Ouais. Je me suis retapé le premier album de Pokémon. Sur la route de Jadier. Je sais pas où est-ce qu'il va te rester chez mes parents, mais putain, ouais. Sur la route de Jadier. Un blend là. Donc, quand est-ce qu'il y a quoi du coup? Putain, mais Dorothée. Waouh! Chanté par Dorothée en plus. Si je te dis que t'as la moitié de la réponse. Vagabond? Là, t'as l'autre moitié de réponse. Prisonnier vagabond? Non? Je vais le redire. Enfin, Donjons et dragons. Eh ouais. C'est passé chez nous. Bah pas vraiment. C'est aussi bien que Dragon Ball Z Z Z Z Z Z, Z, Z. Je sais plus si je l'ai mis le Jean le... Sangohan. La version, attends, c'était de Bernard Minet. Gros. Sur un gros Minet. Là, le colimier est trop fort. T'as l'épisode derrière sur son verre et lui il est en train de chanter devant comme ça. il y croit. Ouais. Je suis sûr, il y croit. Dattori. Non, non, non, la famille de la jungle. Ah. Donkey Kong. Putain, dire que ça a passé pendant des années sur France 2, ça. Donc, sur Hong Kong Tree. Je connaissais pas, j'ai jamais entendu Donkey Kong. Ouais. Oh, est-ce que guitare? Je crois que j'ai jamais vu un épisode, quoi. J'ai jamais dû voir un épisode, mais sur France 2, il y avait Donkey Kong qui présentait, t'avais la partie dessin animé pour les jeunes. Je sais plus, Et c'était laid en plus. Et là, c'était. Bah là, c'est pareil, c'est en image de synthèse, ouais. Toute moche. Mais c'est laid, quoi. C'est stylé. Ouais, c'est j'ai vu quand j'ai vu regarder, je ah oui, ça. Le clip Monet for Dolphin, c'est plus joli, imagine. Pourtant, les types, ils sont putain carrés. Hein. Parce que Fanny a chanté les génériques de Alors là, c'est toujours de l'inceste, c'est toujours. Je crois que c'est le seul générique qui n'est pas un dessin animé. Tout le monde. Ouais. Je le regardais à l'époque, mais si c'était mal joué, ça me faisait peur. Ah, ça passe à 4h de l'après-midi, ça fait peur. Et il y a un. Je crois que c'est sur Fais-moi peur, il y a un film qui va sortir. Tout d'abord. Ou qui est sur le. Tu vas bientôt sortir. On n'imagine pas l'ombre de volume, le volume à l'époque. Il y avait aussi ça, c'est de la volume, je vois. Prodigieux. Attention, là, vous allez la reconnaître tout de suite. Beatman. Mais oui. Bruce Timm. Ah, à noter que j'ai récemment trouvé le livre de où il compile toutes les informations graphiques et sur les personnages. Et dans cette série-là, la personnalité principale de Batman, c'est Batman. Oui, on voit que sous. Ah, bon, quasiment tout le temps Batman. Oui, c'est lui la personnalité principale en fait. Bruce Wayne en fait c'est le masque en fait. Oh putain. Oh putain. J'ai oublié la batterie qui monte. Pom pom. Je suis filé à Slog et en 80 jours je dois faire le tour. Bon, 80 jours. Le tour du world. Monde en 80 jours. Imagine. Comment schématiser par Gandalf 80 le tour du monde. Avec un doigt qui tourne. Oula. Il y a un millier d'années. Oh, les gargoyles. Superstition. Ah, ça c'était génial. C'est quoi? Les gargoyles, t'as jamais vu? C'était un truc Disney un peu mature, tu vois. Quand même un minimum, tu vois. Il y avait des gens qui mouraient et tout. C'était génial. Statue de pierre durant le jour. Avec toujours la voix de Morgan Freeman. C'est ouais, c'est Ant-Man. C'est Benoît Allemand. Ouais. C'est Dieu. Bien fait, moi aussi, je crois. Il y a fait, on a je sais pas quoi. Ouais. Ah non, mais ce dessin animé était génial. Donc gargoyles, en fait, c'est des gargoyles qui prennent que la nuit. Ouais. Ils vont sauver. C'était génial ça, moi j'adorais moi. Moi j'étais. Moi mon père était hyper fan, c'est super bien fait. Mostan. Mostan. Nostalgie. C'est la bourrige. Ouh. Albert le 5ème mousquetaire. Avec un tromblon chargé de spaghettis à la sauce grenier, c'est lui le meilleur. Ça, je regardais. Albert, le cinquième mousquetaire. Sauver le roi d'un complot chanson. Le batteur est mort. Le batteur est mort en faisant aller. Oui, c'est un mec qui était accompagné de fantômes et qui avait. Non, il était accompagné d'un péruvien qui faisait 20m50. Non, ça c'est. Martin Mystère. Oui. Archie Compagnie. Mystère Compagnie, c'est un mec qui avait des fantômes avec lui, il avait sa copine, sa grand-mère, ils étaient reporters ou un truc comme ça, non? Non, attends. Si tu nous as mis la musique de Renard sur M6, le truc le plus creepy qui m'a été donné de voir, je t'encule. Parce que ce truc me faisait flipper quand j'étais gosse, c'était l'ex-abouti. Ça ressemble à ça, Archie Mystery Company. Attends, podcaster, nous devons. C'est l'adaptation d'un comics. D'un comics, ouais. Ah, mais oui, Archie, mais oui, mais oui, mais oui. Mais c'est pareil que Martin Mystère, c'est dans. C'est dans la même veine, ouais. Ouais. Alors, autant le générique. Ça passait sur M6, ça passait dans M6 Kids. Ouais, mais le générique musique, quelque chose, mais l'animé, non, pas du tout. Ensuite. Si tu passes le truc de Renard, je te dis, je t'encule sur le champ. Ça me faisait creepy. Professeur Battus a créé un nouveau robot. Cependant, ce robot du 21e siècle n'est pas tout à fait comme les autres. Astro Boy ? C'est un enfant robot. Ah, ouais, bah ouais, enfant. Lisez Pluto. Plein bordel de merde. Si vous devez garder qu'une seule œuvre dans toute votre vie, lisez Pluto, bordel de merde. Duro, ça va. Il faut lire les Pluto alors. Ah oui, non, ouais, ouais. Mais en fait, c'est Tezuka. Expanded par. Par Duro, ça va. Ah ouais, c'est. Moi, si je devais garder qu'une BD dans ma. C'est ça. J'ai chialé. Les trois derniers tomes, j'ai chialé. C'est un manga. Ouais, oui, c'est un manga. C'est rare. Je les ai là aussi pour les BD. Ami Poditeur, j'ai chialé sur deux BD, Pluto et le Civil Surfer Moebius. Tu disais quoi, toi? On va passer à la 7ème compagnie. Ce film, ouais, c'est triste. Ce film m'a retourné les tripes. Quand il jette, quand il jette la clé à molette dans l'eau, je ne pouvais plus. Le suspense était total. Putain, mais oui! Ça passait sur France 3, ça. C'est le générique de France 3, ça. Ah bah, oh putain, eh! Moi, mes parents, ils m'ont vu chialer dans l'épisode de la mère de Babar. Ils m'ont c'est vu le Babar? C'est Babar! Babar! Le générique de Babar. Avec Zéphyr! Le singe! Oh putain! Ah bah, vous devez trouver là! Si tu veux mes questions survivants, je ne réponds plus de rien. Totalement désolé. Tu l'as jamais eu? Non, je n'aime pas Bob l'éponge. C'est marrant. Good guy. Désolé, Nicolas, je n'aime pas Bob l'éponge. Si tu mets Ken le survivant ou Renard le... Je ne réponds plus de rien. Ah, c'est 13 euros, ça me plaît. Bumbo. Ah, ça, j'ai jamais vu. C'est pas toi qui m'en as parlé de Bumbo? Ah non, mais on a dû voir ça à Japan Tard, mais quand on s'est tapé tous les dessins animés, là, ça, Bumbo, des trucs improbables, là. Bumbo, Bumbo. Allez, attention. C'est très fun. Est-ce que tu nous as mis les castors Junior. Non, ce qui passait sur TF1, c'était deux castors. Ah, les castors allumés. Mais oui, ça c'était génial. Ah oui, tu verras. C'était bien ça. Tu verras. C'est débile. Ouh, ça c'est très années 80-90. Hein. Fait que ce petit c'était de merde. Les garçons. Non. Clémentine. Ouais. Non, d'agrumes. Ah, c'est la fille qui a eu l'accident d'avion. Ouais. Qui se fait violer par le diable pendant son sommeil. Bah ouais, c'est... Randall aussi l'a décrit comme ça, c'est la fille, elle est... Elle a traité d'un avion, elle est paralysée, et tous les nuits, il y a un sorcier qui vient la monter et la violer. Bah tu regardes le joueur du grenier, et il fait exactement la même description de cette vidéo. La première vidéo sur le hors-série. Écoute, elle est malade, elle a peut-être pas pu profiter de la chaleur de quelqu'un. Mais au moins, quelqu'un profite de sa chaleur. Puis pendant qu'elle est paralysée, il y a le médecin qui caresse ses jambes et fait... Oh merde. Ah mais c'est creepy. Ça dure 10 secondes. Ah mais c'est creepy as fuck. Même moi j'oserais pas. Pourtant, tu sais que j'oserais des choses. Ah oui mais j'aime la gym. Mais c'est... Mais je suis jamais tombé là-dessus hein. J'aime la gym. Non. J'aime la gym. C'est gym quelque chose. Non. Gym la gym. Non. Vous n'allez jamais trouver. Corps d'assaut, c'est... Putain, mais c'est triste. Janet, ouais. Non, c'est pas Janet. Non. C'est Jeannot et Sergio. Non, c'est Cynthia ou le rythme de la vie. Mais oui, c'est celui qui se font tabasser ou je sais pas quoi. Non. Je sais pas, moi. Attends, j'ai pas les joueurs du grenier. Là, je parle. Attends, j'ai pris que les génériques. Je croyais que je me suis tapé toute la série à chaque fois. Mais tu devrais. J'aurais dû. Mais non, attends. Et en français. Ça, c'est Rock'n'Roll, ça. Est-ce que c'est les souris? Est-ce que tu as mis le générique des souris qui étaient bikers? Rats. Ouais. Là, ça, c'était pas mal. Est-ce que Buffy, quoi? Je peux vous dire l'année, si vous voulez. Ça, c'est Générique M6. Non. Pas du tout. Ah, pas du tout. 99-2001. What? Et on a déjà entendu une précédente version. Digimon? Non. C'est plutôt DC. Ah, c'est Batman? DGL? Batman, la relève. Mais oui, Batman. Billion. Bayon, Batman Billion. Qui est pas mal d'ailleurs. Ouais. Le générique glace. Ouais. Et c'est très futuriste et ouais, c'est technologique Bruce Wayne et un peu comme Akira, je sais pas si t'as déjà vu. Oui, avec des mobilettes et des grosses mobilettes, mais là c'est les plutôt au niveau de l'architecture des buildings où oh. t'as le gros truc bien imposant. C'est très dans la verticalité, tu vois. Ouais, d'accord. Là c'est super, là, j'aimais bien moi. Champignon. C'est pas le truc sur TF1 là avec les Sentai là, non? Bon. Jackie Chan. Chasseur ouais. de dragon. Ah oui. Je veux dire chasseur de dragon. Mais... Ah non, sur TF1 c'était Beetleborgs. Mais j'ai jamais tombé sur ça. Il y avait des produits et tout. Et c'était un genre de Sentai où les types ils se transformaient en héros de comics avec des. Et se battaient contre des clowns. Putain, c'était. Oh. Par la force de Naruto. Ouais. Oh putain! Oh putain! Oh putain, ça j'ai regardé! Et pour t'aider, je peux dire que tu l'as dit. Quoi? Il y a pas longtemps. Oh putain! Je suis arrivé. Vraiment pas longtemps. Putain, ouais. Putain, mais merde! La GLA? Ouais! Ah, oh, c'est génial, gros style, encore une fois! La Ligue, Ligue des Justiciers. Ah, avec Martian Manhunter, avec John Jones. Ça, c'est. J'aime pas ce dessin animé. Ah enfin, ah, mais si t'aimes pas le chara-design de Bruce Timm à l'époque, tu loupais tout. Mmh. Bah, le chara-design était fait toujours par le même à l'époque. Pas très DC. Là, ça allait, je trouve. Tu vois, le seul personnage que j'ai mis, c'était la femme chouette, là. Hawkwoman. Je trouvais un petit peu classe. Elle avait une espèce de grosse masse. Ouais, une masse électrique. Ouais, ouais, il y avait son mec aussi. Elle était classe. Qui revenait dans la deuxième saison. Parce que la première saison, en fait, elle était sur la Terre pour préparer l'invasion. Et moi, je kiffais quand même parce qu'il y avait, John Stewart. John Stewart, ouais. Green Lantern. Green Lantern noir. Ouais, il y avait Green Lantern. Il y avait l'espèce de Martien aussi, je crois. Oui, Martian Manhunter, ouais, John Jones. Ouais, il est génial, lui. Là, vous avez trouvé. Oublier les cafards? Non. Non, c'est les autres avec les ananas. Merde. Les aînés de l'espace. Mais c'est le même studio, quoi. Ouais. Shatter de la chanson, quand même. Hip hop. Ouais. Exceptionnel, quand même. Là, vous avez trouvé aussi. Il sauve pas. Ouais, j'aime si t'aimes pas. Je déteste ce soir. Je m'en suis rendu compte quand j'ai fait lancer ce soir. En fait, le week-end dernier, il a pas dit qu'il aimait pas. Ou... Enfin, le week-end dernier. Je connais. Arrêtez de teaser votre vie, monsieur Azerto. Prends la route de ce soir. Ta gueule. Ta gueule. Regarde, voilà le Force 3 de la sagesse. Le méchant sorcier Ganon rêve de s'en emparer. Ouais. Bah, si, la Force 3. Ah oui, oh putain, avec Ganon de merde. Avec Ganon. Il y a que là qui dit la Force 3. Parce que là, il vient de dire le Triforce. Force maintenant. Oui. Avec Ganon. Do you know Ganon? Un petit Ganon. Carrément quel? Non. Hubert, le chien. Il y a un chien. C'est un truc Nickelodeon, ça. C'est possible. Je crois. Mais c'est sûr. C'est bien récent, tout ça. Il est pas si jeune. Il est pas si jeune. Je cherche un truc avec un chien. Il y a un chien, mais c'est pas lui l'acteur, bah, le personnage principal. Toi, tu me diras le titre, je vais faire Mimi. Doug. Je connais pas. Mais c'est pas venu Nickelodeon, ouais, c'était les trucs Disney, ouais. Truc très simpliste, lui, je crois qu'il avait un haut, un pull vert. Ouais, ah, c'était bien ça. Ouais, c'est les trucs Disney, là, genre la récré ou je sais pas quoi. Ouais. Non, la cour de récré. Ouais, tu qui était pas mal. Ouais, c'était pas mal. Ça, c'était trop bien, ça. Ouais. C'était sur M6, ça. Ouais. Non, Si, c'était avec Kim Possible. Et oui, la cour de récré. Ah, ça lui passait sur TF1, alors après. Peut-être pas, je sais pas. Si tu veux ça. Oui, très du bel air. Essaye. Pardon? Non. C'est des policiers, ils découpent Et c'était très second degré en fait. C'est des trucs qu'on les reverrait maintenant, on rigolerait à mort, tu vois. Mais c'était trop second degré, je crois, à l'époque. Robocop, ça non? Non, du Metallica. Si, il y avait la série Robocop quand même. Remember, on a noté qu'à l'époque ils avaient fait une série japonaise de Ghostbusters. Je sais pas si c'est sorti ou pas, c'est Katsuka qui en a parlé, mais. C'est pas ça? Non, c'est la série américaine. Ah, oui, c'est peut-être la série américaine, oui. Attends, tu vois les japonais faire du. Ils mettent bien du. L'arc-en-ciel en générique de je sais pas quoi. Ouais, t'es plus proche des Guns N' Roses? T'es quand même plus proche dans la porte de Guns N' Roses? Les mecs, ils sont déguisés en filles, quoi, un peu. Et ils font des courses en voiture, ils font le générique de GTO. C'est le good. Ah, c'était pas mal ça. Ça, ça passait sur France 5 par contre. C'est la série des pauvres. Comme l'école des champions. Ah, c'est. L'école des champions. Qui gagne avec passion. Moi je me tape la famille de la jeune. Non, tu le sais tout de suite. Jumanji. Ouais. La série était pas mal, je crois que c'était fait par les mêmes, je crois. Le dessin animé était super cool, le film était bien. Ah, le film est génial. C'est Chris Columbus au sommet de son. Avec. Et Robbie Williams. Robbie Williams. Ouais. Non, même les autres acteurs, enfin le film est. Enfin, le film est trop trop bien. Je l'avais sur cassette. Oh, rien que ça, rien que ça, on peut délivrer. J'avais une cassette avec Flaubert. Ah, Flubber, il est con, mais il est moyen. Et Jumanji, alors, est... c'était la souris ou si c'était Jumanji. Je pense que je devais avoir Flubber la souris et une autre cassette avec Jumanji. Mais putain, ça, là, Jumanji, il est... fait des effets spéciaux à l'époque en plus. C'était j'ai usé à mort quoi. Putain, Flubber et la souris et Jumanji, putain, les trois films. J'ai fait chier ma mère avec. Hein. Rayman. On dirait Rayman quoi. Ouais, c'est vrai. C'est un petit rouquin. Hein? Un petit rouquin. Ah, les rouquins, ça rappelle pas. Ah, si. Même les rouquins. Avec une sœur super grande. Ah, Dexter? Ouais, c'est le laboratoire de Dexter. Ah, c'est vrai que ça, c'est... Fromage, omelette, gâteau du fromage. Du fromage. Ouais, c'est ouais. Du fromage. Ah, que la version, quand tu prends en version VF, omelette au fromage. Mais ouais, mais. Omelette mais du fromage. Mais il parle français depuis le début de la série. Elle va pouvoir parler mexicain. El nachos de fromage. Isidore, mais c'était. Ouais, mais je réfléchis parce que c'était une série qui était coupée en deux. Il y avait un autre truc d'animaux avant. De quoi? Non, c'était les épisodes étaient généralement. La série était coupée en deux. De ça? Ouais. Il y avait un autre truc juste avant ou juste après? C'est quand même terrible, j'adore. Ouais. Et généralement, c'était vendu en pack avec autre chose. Je sais plus ce que c'était d'ailleurs, mais. Ce petit clavier, toujours. T'imagines à l'époque, tu faisais du clavier, mais c'était rien. Ouais. Donc c'était les. Entre chats. Ouais, oui, mais Isidore le cita. Et les autres chats, c'était autre chose, je crois. Enfin, il y avait un truc à croire. Les Goonies. Non? Ah bon? Tu veux le promettre? Je vais dire rien. Bah, les Goonies. Non? Les Goonies. Les Goonies. Et le Goomy, monsieur. Eh, faites bien la liaison Goomies, hein. Parce que sinon, c'est les Goomies. Et t'imagines pas ce que ça aurait été. J'ai goûté. Tous ces gens qui sont cul. J'ai un secret à vous révéler. Savez-vous que dans les murs de nos maisons vivent de minuscules créatures, les mini-pousses. Les mini-pousses. Super dur. Je crois que les 12 degrés là, ils sentent un peu. C'est une saillard. Non. Il m'a envoyé un message comme je suis je bourré. C'est vieux. C'est pas les voitures. Ouais. C'est Gadamine. Non. Ils ont dit le nom, mais j'ai pas le nom. Mais c'est ça le pire. Masque. Ah, masque. Mais oui, ils avaient la voiture qui se déplie, hein, la genre la DeLorean et elle est volée. Pourquoi? Tiens, t'as fait un sacré blind test, hein. Ouais. J'ai 4 palettes entières. Ah! C'est très bien ça. 2, 3, 4, 5. Il y a une Bible de Noël. 4, 5, ouais. 6. Donc j'ai 30 extraits. Max et compagnie. Ça a été dit dès le départ. Donc j'ai 120 extraits. Si j'avais récupéré le mien, je crois qu'il y a une quarantaine d'extraits sur le test de Side. Il faut jouer avec Max et compagnie. Peux-tu mettre le son très fort parce que je sens. Ouais, que... ça dépend des trucs. Bah ouais, c'est bon. Faire les trucs, c'est fort. Non, je voulais péter en fait. Fallait éternuer. Ça, c'est très difficile. Ça. Enfin, je le quitte, mais. Tu es une petite fille qui travaille en famille, mais son secret espoir, c'est un jour d'être. Chaud! On a raté le prénom de la petite fille en fait. Je crois pas qu'elle le dit. Hein. Amy Magie? Non! Non. Là, elle va le dire. Amy? Lily? Gigi! Non. Pompululu! Pompululu! Pompululu! C'est Lily! Lily, la petite fille magique? Non. C'est comme ça? Non. Pompululu! Non, c'était merveilleuse Crémy. Ah oui, Crémy magique! Ah, Amy. Crémy magique! Mais non, Amy magique! Je l'ai passé tout à l'heure, Amy magique. Ah, d'ailleurs. Là, c'est merveilleuse Crémy. Crémy, genre. Ah bah, C-R-E-A-M-Y. Genre. Crémy comme crémeuse. Ouais, voilà. Genre, tu décharges un petit peu d'enfant et c'est un petit peu. C'est un petit peu crémeux. C'est ça. Michel Franco. Michel Franco. Michel. Putain, mais qui se rappelle de ça, Michel sur le. Je connaissais même pas, mais bon, il y a un peu. Dis Cortex, tu veux faire quoi cette nuit? La même chose. Que toutes les nuits. Je réfute, c'était dans les Animaniacs. Non, remets le début. Oui, mais c'est pas Cortex, tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que chaque 8 minutes. Tenter de conquérir le monde. Dans le monde, je réfute. Mais justement, comme dans les aventures de Tex Avery, où t'as un simple personnage. C'est pareil, il y avait d'autres trucs que dans les Animaniacs, ils le disent. Oui, c'est bien. Putain, ça fait qu'il putain, ça me faisait peur, ça. C'est quoi? C'était Renard Chenapan. Renard Chenapan. Ils tout carré, les gars. C'était laid. Moi, je me rappelle, j'avais peur devant la télé. Ah, quand j'ai fait ça, je me dirais que j'étais. Tu sais, si tu veux me faire peur, y'a pas grand chose que ça. C'était laid, quoi. Ça, Renard ou ça, le clown? Ça. C'était laid, c'était mal animé. Le Renard. Il allait tout le temps voir sa copine, elle était carrée, mon pote. Moi, je me suis dit, mais il va lui carrer au cul. Non, elle était carrée. Putain, ça me faisait peur. C'est bien, parce que t'as exactement les mêmes goûts que Randall. Tu vois, Renard, il fait, mais c'est moche, à chier. Non mais j'aime pas avoir les mêmes goûts que d'autres podcasters, ça me fait trop peur. J'ai l'impression qu'on va... Après on va en congrès et on prend des hôtels particuliers à deux et après des choses se passent. Là aussi vous allez trouver tout de suite. Pokémon. Ouais. Pokémon. Sprint de foot. Sprint de bar. Que la liberté est douce après 10 000 ans de captivité. Ah mais les possibles. Je vais enfin les rangers du pouvoir. Les rangers. Eh, hey, salut ce. Les rangers saison 1. T'as vu ce tapin? Ce tapin, mon gars. Non, c'est pas un tapin, c'est parce qu'il fait du. Comme un peu Thunderstruck. Pokémon. Mais d'abord. Sensoria. Et ouais. Si tu mets Medabot, je viens et je te sodomise sur place. Je l'ai vu passer dans ma playlist. Mais... Ah. Fichilletum. Ouais, mais ça c'est la version. Ouais. Version. Nous on avait Bernard Gros. Test nostalgique qu'on se fait. Quand même vachement. Mille fois. Cette version là, ouais. Ah putain, mais oui. C'est pour ça que j'ai mis cette version de Sensoria. Ah putain, mais oui, le jour du grenier, il en parle de ce connerie. Gigi. Ça? Non. Ah, c'est ça? Non. Moi j'aurais dit Gigi. Ah, c'est ça! Sherlock Holmes! Eh oui! Combien de fois on chante à coucou? C'est bien, oui. Putain, mais oui. Allez. Avec un chien, c'est chargé comme c'est un ouais. chien. La palette numéro 3. C'est des anthropos, c'est des animaux. Sur 4 ans. Sur 4. J'ai jamais vu ça. Ouais, ouais, ouais, ouais. On va entendre des titres là, je crois. Quoi ? Silver Hawks ? Silver Hawks. Hawks. Ah, j'ai jamais vu ça. Moi non plus. Ça a pas dû faire un... Mais oui, putain ! Superman. Yep. Mais Superman, Bruce Timm, encore une fois. Superman, l'âge de Metropolis. Pour être précis. C'est vrai. Ça. Il se battait contre Metallo et il y avait des épisodes où il y avait Green Lantern. La trique que j'avais eue. Même gosse, j'avais un truc. T'avais 10 ans, tu t'en souviens. Je me rappelle. J'avais définissé dans la vie. Pourquoi ? J'ai jamais vu un sourire comme ça. J'ai la super classe, on ne résiste pas. Ouvrez tout, rends les yeux, regardez-moi ouais. faire. C'est quoi ? The Mask. Y'a pas plus pour moi. Non, tu reconnais pas Emmanuel Curtin. Si, je reconnais Emmanuel Curtin, mais. Malheur. Vous connaissez pas la série de Masque. MC Skid les gars, avec la pas Nathalie Chumon, c'était. Mais c'est une mais je crois qu'elle fait des pubs là pour un. Pour les dentifrices ou je sais non, pas. Non, pour le cloud. Cloud what ou je sais pas quoi. Non, c'est pour un. Pour récupérer les WC. Non, pas WC, mais pour les vêtements. Les révolutions en marche. Pour les vêtements, c'est un truc de lave-linge, je sais plus quoi. Ouais. C'est ouais, Sandrine Quétier. Non, pas Sandrine Quétier. Je sais qu'elle faisait une pub pour Claude Boite à un moment. Quel survivant de l'enfer. T'aurais pu mettre. J'annonce, ami auditeur, je chanterai ça un jour. En live in concert. Tchala. On dirait du Final Fantasy. Ah c'est Nobuo là, il est bourré là, il est pas bien hein. Georgie est une petite fille. Georgie la petite fille. Georgie. Ils avaient vraiment des noms de merde. Hein. Ouais. Ah ça franco-japonais. Hein. Georgie. Ça fait note de d'état américain. Oula. Godzilla. Ouais. Franchement, tu nous aurais mis la musique de Blue Utter Cut là. Bon, bon, bon, bon. Ah, c'est pas le générique. Bon, bon, bon, bon. J'aurais dû mettre ça. Là, bon, tu vas reconnaître. Bon, bon, bon. Attends, pas là. Avec le. Tu vas le faire après là. De toute façon, on avait regardé trop quand j'étais petit, je pense. C'est M6. M6 Kids, ouais, ça fait des. Son truc qui me faisait peur, je pense. Godzilla. Je regardais pas trop, j'aimais. Je pense que c'est un truc que j'aimais pas trop. Bon. Ça, ça sonne un truc de libertaire, hein. Non, mais à moi. Cours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider. Viens défendre notre terre. C'est pas pour les enfers, c'est danger. L'ennemi héréditaire. Elle passe souvent sur Coucou Circus. Tiens, l'ennemi héréditaire, qui va faire ça ? Genre humain, tu l'as dans tes mains. Déjà, mais, non, mais ennemi héréditaire. Qui ? Goldorak. Ouais, Goldorak, le premier générique. Par qui fait des. Enrique. Et Enrique c'est pas Yannick. Iglesias. C'était pas Yannick. Pas. C'est Yannick qui l'en a fait à l'époque. Hein. Putain. Ouais. Et sa petite voix. Les explorateurs. Les explorateurs. Il était une fois les explorateurs. Yep. Ah merde. J'ai oublié le titre. The real title. It's the real name. Les Kangoo Junior. Les Kangoo. C'était laid ça. Ouais. C'était mal animé. C'était trop bien le Kangoo. C'était bien mais c'était animé avec le. Comment ils s'appelaient déjà les méchants dans les Kangoo? Il y avait celui qui. C'est tout maigre là. Il y avait des con. Il y avait des. Oh, j'avais plus les Kangoo Junior que les Kangoo au final. Ouais. Parce qu'après il y avait les Kangoo Junior à l'école. Alors pète ton truc hein. Mais c'était trop ça, bien c'était... les Kangoo et les Kangoo. C'était animé avec le cul surtout. Dingo. Gagne à tous les Dingo et Max. Mais c'est pas Yannick là justement? Non, je sais pas. Elle a peut-être un prix, c'est l'alcool peut-être. Comme nous. Salut. La famille de la jungle. Avec le père qui avait un pif, mais. Ah, ils appelaient comment ton père? Nigel. Nigel de la jungle. Tu fais bien le gamin. Mais oui, c'était énorme, moi j'aurais dit que ça. Non, merde, en plus elle le dit. Salut, c'est moi, Elisa de la jungle. Je fais partie d'une famille ordinaire. Voici mon père, ma mère et ma sœur. Voici Denis. C'était fou. Je pète un câble quand j'arrive. La famille pirate. Ça passe encore sur Denis, les enfants. Et c'est un dessin animé, finalement, d'une richesse. C'était trop trop bien. J'aimais pas trop quand j'étais petit. Ma sœur adorait et en fait, c'était super bien, la famille pirate. Ah non, mais le... C'est super fake en fait. Ouais, c'est excellent. Je sais même si c'était trop fake, je crois. Pour les pourquoi c'est trop fake. Hein? Sac à dos. Le croco. Ah oui. Ou sac à main. Sac à main. En fait, mais c'est ça, c'était un truc génial. Trop intelligent en fait. Et on était pas trop con. Moi, ouais, non, j'étais trop petit, je pense. Ah non, parce qu'ils allaient. Ma soeur adorait, moi j'étais moyen femme. Mais non, mais quand tu réfléchis, ils allaient à l'école et tout, ils parlaient d'impôts et tout. Ça faisait pas rire les gosses quoi. Et c'était trop. Exagéré. On est tout de même pas fait. Ah, du Bernard Minet. Travailler comme des damnés, il faudrait inventer un collège fou. Où tout le monde est fou. Un collège fou. Foutre. Où tout le monde. T'as un mot. Tout le monde se fait foutre. Non, tout le monde s'occupe. Tu vas trouver direct. Non, rappelons que l'anus n'est pas genré. Tout le monde en a une. Techniquement. Kodioko. Drop de mic. Drop des écouteurs. Ah, mais Code Yoko, ça me faisait penser au dessert Yoko, là, ça me stressait. Moi. Alors, Code Yoko, oui. Les Code Yoko, comment ça s'appelle? Evolution. Ah oui, la version live. La version live en français, non. Oh mais putain, c'était triste. C'est français, hein. C'est, ouais, bah, mais les Code Yoko, la série de base, animé, était super bien, jusqu'à ce qu'Aelita revienne dans le monde réel. Après, je crois que j'ai pas regardé jusque-là. Ah, c'était triste. Moi, je pense que j'ai arrêté de suivre à partir de ce moment-là. J'ai arrêté un petit peu après. Est-ce que tu as suivi Pokémon jusqu'à l'épisode 275 où ils se séparaient? Mais ils se séparaient. J'ai dû voir la saison 1. Ondine et Pierre, ils se séparaient. Il y avait que ça. J'ai dû regarder. Et après, il allait à. C'est la fin de. Mais c'est quoi? Non, c'est Johto? Non. Non, mais c'est qu'ils sont restés Kanto, en fait. Kanto, oui. Parce que finalement, ça fait 5 saisons. J'ai trouvé ça dans la semaine. Ça m'a coup de vieux, tu vois. J'ai dû voir que la saison 1 de Pokémon, mais j'étais fan à l'époque aussi. Mais Code Yoko, ouais, le début, ouais, mais la série live, non. Ah, mais c'était une tristesse, ça. Non, je sais pas, moi je crois que J'ai dû voir le premier épisode de la version live. Mais je me pose. Ah non, moi j'ai pas. T'avais plus envie de faire l'amour avec ta mamie que ça. T'as que la version animée quand ils sont dans Yoko, et. Non mais c'était du coup, ils ont gardé la version live pour le monde réel et une version elle est toujours en 3D ou... ils avaient changé les costumes et tout. Oui, c'est toujours en 3D comme avant quand ils sont dans le monde virtuel. Oui. Et ça, par contre, ça j'aimais bien. Bah, dans la version normale, t'as le dessin animé classique 2D classique et la 3D. Non mais c'était très intelligent et très con à la fois parce qu'en fait tous les épisodes étaient. En fait, à chaque fois ça rebootait en fait. Oui. Ça rebootait tous les épisodes. Ouais. Et moi j'étais tellement fan quoi. Non mais c'est super bien fait. Mais j'ai toujours demandé si Odd était un garçon ou une fille. Oh, mais c'est un garçon. C'est un garçon. Dans la version live, c'est un garçon. Mais au bout d'un moment, dans la version même dans oui, l'anime, au bout d'un moment, tu arrives à comprendre. Donc, Chrissy Bouton a rigolé. Non, il ressemble pas. Toi, il s'appelle Odd, quoi. ODD, quoi. ODD. Genre père et impère. Je me rappelle plus si il y avait une. Oh putain! Texas Avery. Dans ce monde. Avec la mouche. Avec le gariche là. Qui pétait tout le temps le câble. Après il y avait l'oiseau avec le chat ou je sais pas quoi. Ou le. Non, non la poule et le renard. Si c'était un poussin avec un renard. La poussin renard, oui. Non c'était pas mal. Mais c'était foutraque. Hein. Wow. Nous arrivions. Allez. D'un pays sans lumière, ça, nous navigions sans du près. Tu m'as pas mis l'école des champions, je pourrais pas t'exposer l'anus. Ça, l'école des champions. Attends, j'ai déjà mis quel est le survivant, un renard et. Non, mais moi, renard, ça me stressait. Vraiment. Je te jure, tu veux me faire débanner, tu me mets ça. Mais l'école des champions, je l'ai vu passer. Mais vu qu'il disait l'école des champions, à un bout de deux secondes, je fais non. Flotte autour de la terre, viens avec nous. À l'école des champions, te battre avec ça. C'était le village dans les nuages. c'est que par contre, l'école des champions, il y avait des rimes, mais d'une pauvreté, mais je pense que même les gens de la rue, ils pleuraient. Donc c'était pauvre. Oh mais oui. Putain. Ça. Le malheur de ce fille. Marcelino. Non. Non, c'est pas Marcelino. Marcelino, Panellino. Je n'aimais pas trop ça, je regardais beaucoup, mais ça se stressait. J'aimais moyennement. Le générique était très stressant et ils avaient toujours les yeux bizarres. Mmh. Bah, les yeux disproportionnés. Oui. Là, tu vois quasiment jamais d'homme. D'humain. C'est un truc écologique. Ce truc, ce petit clavier à la fin, moi, c'est. On a déjà passé comme tempête. Ouais. C'était les animaux du bois du Katsu. Mais oui, je regardais ça quand j'étais mais vraiment gosse. Hein. Ma mère, elle me disait, je surkiffais. C'est les animaux qui fuyaient, qui se déplaçaient dans une forêt parce que les humains... Mais oui, en plus, il y avait la voix de... Mais je crois qu'il y avait, il y avait des voix connues dedans. C'était... Il y avait des très bonnes voix. Je ne sais pas. Mais... Ils se faisaient attaquer, là, par les tractopelles. On était très jeunes à cette époque-là. Ah, tu me doutes, hein. Ah, mais moi, je regardais ça, j'étais comme Baba. J'étais, mais... 2 ans. Même ma bite était plus grosse. T'entends? Ah oui, putain, ouais, mais attends, mais remets-le un peu, ouais, parce que... Pour une fois que Moulinsard a permis de produire quelque chose de bien, quand même. Mais les dessins animés étaient trop bien, mais je retombais tout le temps sur le même, parce que j'avais... Ouais, en fait, il y en a pas beaucoup... Bah, il y en avait... L'île mystérieuse, je crois. En fait, il y en a autant que d'albums de Tintin, moins un, je vous laisse deviner lequel c'est. Au Congo. Oui, parce qu'il est... Raciste. Hé, monsieur Tintin. Hé, monsieur Tintin, regarde, j'ai une grosse bite de nez. Il est pas raciste, c'est juste temporel à son époque. Ah ben c'est il est de Belgique, 1920, quoi. Oui, un seul Congo belge, quoi. Je dois quasiment tous avoir le Tintin, mais je n'ai eu qu'un seul, c'est le tout premier. Tintin annuaire. Ah oui, eh oui, il en manque deux, en fait. Chez les Soviets. Tintin chez les Soviets, il n'a pas été fait aussi. C'est, d'ailleurs, le titre, c'est pas juste Tintin chez les Soviets, c'est le petit reporter. Oui. Tintin. Non, le petit 20e. Je sais plus, mais le titre, c'est pas... Mais c'est l'album de BD qui coûte plus cher. C'est le seul que j'ai lu en entier. Quoi. Si tu as celui-là en première édition, non. Une maison. Non. Une maison, deux maisons, trois maisons. On me l'a offert beaucoup plus tard, mais... Je sais. Non, mais c'est... Fing. Je l'ai lu. Ils étaient signés à l'époque, c'est impossible. Il m'en manque pas beaucoup des Tintins. J'ai quasiment tous les Astérix. Je dois avoir tous les Astérix, à part les derniers, mais... Astérix est là. Tu peux la bagarre. Là, c'est le matin qui chantait pas du tout. On est petit et gentil, et un peu d'argent aussi. Et l'heure enfin est arrivée d'envahir le télé. On s'amuse, on fait vite, on s'en fout, on fait fuir. Les aventures des Tiny Toons sont là. Les Tiny Toons, ça va être sur France 2, ça. Les deux. Ouais. Mais je sais que à l'époque, j'en ai plus sur France 2. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bisous d'ours. Ouais, c'est un peu fait. On entend pas. Gay, ouais. Pardon. Pardon aux auditeurs. Non, ce n'est pas un podcast homophobe. Ah, on parle de Jean-Marie Le Pen tout à l'heure. Oh, vas-y. De l'univers, il veut saboter ta mère. Pourquoi c'est dérive? Oui. Oh, on va niquer ta mère. D'accord, pourquoi t'es l'univers, on va niquer ta mère. Saboter ta mère. Je tiens à que. Ouais, mais c'est sérieux, c'était mieux quand même. Ils ouais. aiment voter Jacques Chirac à que. En chantant la chanson des couillons. C'est la chanson des blaireaux. Depuis le grand cataclysme, des Arcadiens vivaient blottis au centre de la terre. Non. Ils avaient tout oublié de leur passé. Ainsi l'avaient voulu leurs ancêtres. Jusqu'au jour où leur soleil, le Chagma, tomba malade. Alors les enfants d'Arcadia osèrent entrer dans le musée interdit. Merde, c'est quoi de chasseur ? Ils y retrouvèrent quelques traces du passé, mais aucun plan du Chagma. Alors les enfants créèrent, puis envoyèrent vers la surface de la terre leur messagère Arcana. C'était Zanglouti. Ah, alors, putain, oui. En fait, quand t'écoutes le pitch, on dirait un peu Gurren Lagann, mais sauf qu'à Gurren Lagann, ils sont trompés à un moment. Ils sont montés avant parce qu'ils avaient envie, et là, on les a envoyés. Toi, comme quoi, on n'invente rien. Ça manque de trucs Marvel quand même. Ça donne envie, les cités d'or, c'est ça? Oui, ça c'est les cités d'or. Non, mais le monsieur n'a pas parlé encore, bah non. À noter, tu nous as pas mis le truc, tu nous as pas mis le truc marveleux. Genre un petit Spider-Man ou... Ouais. Bon, en fait, là, c'est dans l'ordre alphabétique. Ah. Si t'as pas encore remarqué, en fait. Ah non. C'est, pas du tout. On a, enfin, mais le taux d'alcoolémie est trop... Là, je pense que là, quelqu'un vient, on le viole, quoi. On le dit au poditeur. Les Rats Moquettes. A noter qu'il y avait une seconde série qui était pas terrible. Les Rats Bitume. Ouais, Rats Bitume, ils étaient plus grands. Là, ils sont en... même pas en maternelle, je crois. Non, ils sont. Mais là, ils parlent même pas. Ouais, ils sont en couche classe. Justement, les Rats Bitume, ouais. C'est trop bien. Avec le papy qui dit des trucs trop creepy en fait. Un des premiers jeux que j'ai vu sur la Game Boy Color. Il était dur, putain. Qu'est-ce que j'en ai chié pour le finir. Il y a longtemps, loin d'ici, vivait dans un pays. Bon, si on fait tout ça en merde, Ragnarok. Les Schtroumpfs. Ouais. Ah, je sais pas combien il y a de versions de générique des Schtroumpfs. Ah mais non, moi je connais plus la version qu'on a tous entendu quoi. Anna et Barbara. Mais ça c'était, des trucs. Anna et Barbara, c'était mais. Quand j'ai cherché, il y avait déjà celle-là qui est les Schtroumpfs récréa 2 par Dorothée. Une année, je sais plus laquelle que c'est, et j'ai trouvé un autre générique. Ou c'est Canal Plus. Ou là, c'est... Non, la cinquième. Ah, mais non, mais c'était les... qu'on connaît, je pense. Ouais. Mais c'était les trucs Chris, Anna et Barbara. Tu sais, les trucs Anna et Barbara, genre... Il fait d'autres génériques. Là, je m'en rappelle plus. Mais genre, les fous du volant, tu vois. C'était des trucs très 2D, tu vois. Ouais. Les types, quand ils fuyaient... Et toujours, ils partaient 2D, tu vois. Pas, il n'y avait pas de profondeur, il y avait... Putain, les Snorky. Le truc avec une espèce de bite sur la tête. Une bite avec un gros tuyau, tu vois. Des épices et des tableaux de Dr. Slovu. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer des... Putain, les super. Mais accidentellement, le professeur... Oui, les super nanas. Les Powerpuff... Les Powerpuff... Merde, c'est moi, c'est pas... À noter, tu sais qu'il y a... Powerpuff Girl. Tu sais qu'il y avait le dessin animé des deux japonaises là qui chantent Ami et Yumi ou je sais pas quoi. Ben, il y avait un dessin animé. Je l'avais vu à la télé française. Ça m'avait choqué. Ah oui. Oh putain. C'est tous pour un lorsque l'on est mousquetaire. Ah les quatre mousquetaires. On est comme des frères. C'est tous pour un. Il faudra s'y faire. On a juste un trop. Mousquetaire. Anna, Teresa, venez vite, dépêchez-vous. Anna et Teresa. Je me demande bien ce qu'ils peuvent faire tous ensemble. Il y a beaucoup de choses. T'as enculé quelqu'un. Je me demande bien qu'est-ce qu'ils peuvent faire tous ensemble. Moi j'ai rien compris. Ça m'a seulement fait mal aux oreilles. Ça m'a seulement fait mal aux oreilles. C'est drôle. Je suppose qu'ils attendent quelqu'un. On peut savoir qui est-ce que vous attendez. Les trois petites sœurs. Mais oui, bien sûr. À noter que tu nous as pas mis le dessin animé qui passait sur France 3. Où la fille avait les dents en fer là. Sourire d'enfer. Sourire d'enfer, ouais. C'était sur A3. Ouais. Ou Coco, on n'y est pas arrivé. R-E-U-R-S-O, plein de dents. Putain, le manège enchanté. Ah ouais. Ouais. Bon, c'est peut-être pas un dessin animé. Ouais, avec Pollux. Qui parlait comme ça. Un demi-dessin animé, je pense. Oh, c'est de l'animation quand même. Oui, il y avait quand même de l'animation. Oui, c'était un peu entrecoupé. C'était un peu genre l'île aux enfants, mais pas pareil. Ouais. Rappelez-vous, je vous l'avais dit tout à l'heure. Dragon Wing. Non. Martin Mystère. Martin Mystère. Ils ont été allés, ça veut dire Rasmus Moquette. Là, on fait en descendant. Non, enfin, ça rentre. Enfin. On est à L ou on est à M? Là, M. Dans un pays. Maya l'abeille. Oula. Moi j'attends et Arnold, mais je crois qu'on est déjà plus. Oh, Arnold! Ouh. Ce petit clavier là, le petit amande là. Ah bah. Oui. Ça c'est un truc qui devait passer sur M6, un truc un peu aventurier, un truc là. Ouais, je sais pas. Ça fait des trucs policiers, je trouve. Men in Black! Men in Black! Ah bah voilà, c'est policier. Ouais, bah en fait, il n'y aura pas Arnold parce que Jingle Planet n'a pas compris le fichier. Enfin, ne comprend pas le, n'a pas récupéré le fichier. Et... C'est à cause de, c'est à cause de point d'interrogation, ça. Bordel de merde. Et non, je crois que j'en ai un autre. Regardez ça. Ouais. Mais bon, Jingle, ça fait Arnold. Donc du coup, wouh wouh. Par le wouh wouh wouh wouh. La fin, il y avait le. Bah. Oui, c'est toi. Non. Marsupi. Oui, c'est toi, Marsupi, oh, l'ami. C'est pas le premier. Ouais. Ouais. Notez que dans le premier, il disait avec sa queue phénoménale, il fait ce qu'il veut, c'est génial. Génial. Ah bah ouais. Mais, il fait ce qu'il veut, c'est anal. Mais c'est, non, c'est pas le premier, ça, c'est dans les versions 2000 et quelques. Ouais. Ah oui, parce qu'il y en avait un qui était 90. De... C'est la version, ouais. C'est la version qu'on a vue nous, ouais. Quand on était gamin. Bah, c'est sur France 3, c'était trop bien. Oui, c'est toi, Marsupi. Et c'est par Lou Béga. Alors, c'est là que... Ouais, je savais pas que Lou Béga il chantait français. Ouais, moi non plus. Bon, il a dû faire un petit peu avec comme ça là, et puis ouais. Tu niques ta mère. Oui, c'est toi. Oh putain! Bon. Oh putain, MLP quoi. Les brownies vont nous attaquer là, et ils vont nous violer, et on aura le cul comme des amandes. Ça veut rien. Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret. Putain, c'est doubleur déjà. Oh, c'est qui ce doubleur? Lui, c'est Kringer, mon tigre domestique. Bah, c'est... Oh, c'est les maîtres de l'univers. C'est de posséder une force fabuleuse. Non, c'est le génération de en criant par le pouvoir du crâne ancestral. Mais c'est les maîtres de l'univers. Le pouvoir. C'est Musclor. C'est les maîtres de l'univers. Imaginez en Musclor pour ça. Ah, mais c'est les maîtres de l'univers. Comment il s'appelle lui, merde? Comme ça là. Avec quoi ça s'appelle là? Le clip là. C'est non, un... ça c'est un autre truc. Ça doit être un de ceux qui ont fait Saturday Night. Merde, comment il s'appelle hein? Ah, oui, mais je l'ai plus. Celui qui fait la voix du méchant de. Oui, le Grand Sommeil. Du Grand Sommeil ou de Parano. Putain, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, non, mais. C'est un mec qui fait une voix de méchant dans Dragon Ball Z. Et dans Nicky Larson. Non, c'est pas la voix de Nicky Larson. Nicky Larson ne craint personne. Sakura 4. Mais je me rappelle pas de la fin parce que je crois que la fin était un peu sordide. Mais putain, c'est générique. Je sais pas. Je l'ai. Parce qu'il y avait le gars avec son chapeau, il mourait ou je sais pas quoi. J'ai là, eu ce il y avait putain de CD de titre de Froggy Mix. Nening et ni mort quoi. Comme tout la fin d'ailleurs. Parce qu'à la fin, il se transformait le. Le. Ouais, le. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor. Ouais. Père Casburne, raconte-nous une histoire. Olivier Tom, c'est pour ça que j'étais obligé de me le taper. Tu te tapes le Princesse Sarah? Oh, j'aurais mis un truc dans le. Oula. Toujours dans le cul, allez, moi. Parce que le cul n'est pas là. Mais... Ami Polyteur, nous buvons de l'eau. Oh, mais oui, c'était les mille et une nuits là. Où il y avait une espèce de bestiole trop bizarre là. Et le type, il venait toujours aider la princesse. Et ça passait sur France 2 ou France 3 ça. Parce que c'était un peu français donc fallait faire. Un génie fantastique, Oum Sherazade, Princesse Sherazade. Mais oui, il y avait un sage ou je sais pas quoi. Princesse Sherazade. Ouais, non, ça. Putain. Oui, voilà. Peut-être qu'il pouvait se transformer. Est-ce qu'il pouvait se transformer en femme qui. En femelle. En chemelle. Un demi. Ça, c'est jamais un peu. Un peu facile. Ok. Ok. Initial D. Non, il a été des voitures. Hein. Non. On dirait du Sum 41 japonais. Non, du Offspring japonais. Ça peut. Putain. On a dit du là, je sèche. Quoi. C'était Rocket Power. Bah mais bon. Rocket Power, putain, qu'est-ce que. C'était ceux qui faisaient du skate, je sais pas quoi là. Il avait patin, skate, ouais. Vélo, je crois. Et trottinette. Et trottinette. Juste... Et oui, ça passait sur France Télévisions. Non, TF1. Quand quelque chose ne tourne pas rond sur Terre, ah, le Star, service transmettant l'action et du renseignement, déclenche alors le signal SOS Croco. Oh putain! Mais oui, SOS Croco! J'ai vu le titre, je sais plus, ça me dit rien ça. J'ai vu le générique, oh putain, mais oui! Mais oui, c'était fait par ceux qui faisaient SOS Kangoo. Il y a toujours ces bruits. Mmh. Les bruits de Bernard Minet. Putain, mais oui. Samouraï Pizza Cat. Voilà. Moi franchement, quand je vois qu'on arrive à répondre, quand je vois qu'on arrive à répondre bon à ça, je me dis je comprends pourquoi on est célibataire. Oui, mais en même temps, on répond quand il y a le nom qui est dit. Oui, mais putain, ouais, bon, oh putain, 4 size. Ah oui, non, 4 size. Chrissy Son de W9 à l'intégrale. Coupant comme une lame, rapide comme l'éclair. Ceux qui voudraient me suivre, ils sont tous loin derrière. Oh putain! Sonic l'électronique, Sonic l'hot dog. Putain, oui. Mais je ne questionne pas les animés, Sonic. Le premier, oui. Le second, là, Sonic le Rebelle, c'était aimé. Oh putain, une espèce de chien. Polluard. Bah, apparemment, ouais. SOS Polluard. Le truc est trop lourd, quoi. Le truc de végan. Ouais. Pédé. Ah, Spider-Man 1996, où dans la première partie, se battait contre le robot qui fusionnait là. Après, il y avait Morbius, ouais, le vampire. Et à moi, il y avait Venom et tout. Et moi, à la fin, il y avait la femme web, là, celle qui devinait et tout. Je devenais fou, moi, dans la tête. J'avais vu la fin. Ça me l'a dit, F3X, le choc des héros. F3X. Ouh, la musique, là. Un héros. Pas trop connu. Il est parti de la minorité. DC, c'est héros DC. Ça, c'est choc. Ouais. C'était génial. Il volait sur son stage, il faisait des éclairs et tout. C'était... Ouais. C'est... Ça... Franchement, c'est le dessin animé qui payait pas de mine. Ah ouais. C'est le dessin animé qui payait pas de mine et qui était génial. Pareil, il y avait un dessin animé un peu comme ça, qui était par les gars des Animaniacs, un truc des. Je sais plus ce que c'était. Peut-être on verra. Il faisait des éclairs ou je sais pas quoi, il était tout rouge, le visage blanc, les cheveux très. Statique dans le. Balou. Balou, mais oui, il était avec son fils. Il faisait de. Super Balou. Mais oui! J'avais fait chier mes parents pour avoir le jouet, là, le l'hydravion. J'ai jamais eu d'ailleurs, je leur en veux encore. Ça et le sac. Majorama. Je leur en veux encore. Victime du crime, ne tombe plus dans la déprime. Les sauveurs, vengeurs, plongent à votre secours à l'instant. C'est critique quand tout le monde. C'est Dark Moon. Tactique, c'est la tactique. Tic tic tic tic et tactique. Ah non, oh putain, ah mais oui, mais moi ça que je suis kiffé. Mais pourquoi je les trouve pas avant? Mais putain, j'ai envie de me tirer une. Moi ça que je suis kiffé, c'était Dark Wing. Le canard là. Tic tic et tac. Oui, ça c'était super ça. Tic tic et tac. Matata. Waouh, le roi lion. Non. Timon et Pumba. Ouais. Ça passait sur France Télévisions. C'est l'Amérique. Je te fous la trique et je m'en. Quoi? Attends. Ce slide. Tortue ninja. Tortue ninja. Tortue ninja. Teenage Mutant Ninja Turtle. Teenage Mutant Ninja Turtle. Putain, je connais Paper ça. Paper Chat. This we now baby. Baby go go go. Mais Totally Spice. Mais le red or red pas les trouver. Le 31e siècle. Ulysse 31. Ouais. Mais oui. Putain, ça c'était bien. Il y avait une fin en lui. Oh putain, la carte au trésor. C'était pas Monster et je sais pas quoi, Monster NC ou je sais pas quoi, ceux qui avaient les monstres, il fallait capturer les monstres, ils avaient une boule mer, une merde jaune là. Non. Qui fait ça. Hey. Moi je vois pas. C'était pas Evolution ça. Si, c'est ça. Non, c'est pas. Si vous voulez, je vais vous donner un indice. F3X, le choc des héros. Putain, c'est un super héros. Flash. Mais non, non, vous n'avez pas tiré de Flash à l'époque. C'est quoi? Eh oui! C'est d'un homme? Non. Non, non, non, non, non, non, c'était un truc, une équipe! Oui. Comme en mal en dormir. Marvel Avengers, enfin, non. Non? X-Men? Oui! X-Men Evolution! Oh putain, t'es sérieux? Mais oui! Putain, mais les dessins animés! Les évolutions, bien, bordel de cul de sa mère! Les dessins animés, ils sont bien! Je pensais que t'avais trouvé quand j'ai un dessin animé Evolution, mais. Moi, bon, Jean Grey? Putain, quoi! Fais chier! Ouais. Elle aurait pas eu les cheveux en feu avec moi! Oh, lâche! C'est le dernier! Oui, Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Attention, je te le fais! Trois quarts d'heure de Yu-Gi-Oh! Oh, c'était pas mal, hein! Bon, à la fin, c'était un peu la course à l'échalote. Ils avaient tous un truc de pharaon. L'autre, il avait le triangle, l'autre, il avait le cercle, l'autre, il avait le serre-tête, ah, oui. L'autre, il avait le mouchoir. C'est le bordel! Non, il y a la balance, ouais. L'œil, la bite, le collier ou. Ouais. Là ici, non je crois que c'est ici. Ouais, à la fin c'est la course à l'échalote un peu. Oui. C'était pour le pharaon. Ouais. Et voilà. Et ça a fini. Et ça a fini. D'un coup. C'est presque. Ah. Ouais, mais après il y a eu les Yu-Gi-Oh! GX. Ouais, c'est un peu ça. Qui revenait avant. Oui. Oui, c'est un peu ça. Ça a fini un peu. Genre, ouais, c'est fini. Et après d'un coup, on a eu tout le reste. Genre qu'il faisait des courses sur les mobilettes, il faisait des. Sur les mobilettes, il faisait des cartes. Ça c'est 5G, ça c'est ouais. Après. C'est l'heure du 5G du, quand même, il est compétitif le monsieur 5G. Ça y va. Ça y va. Hein. Donc voilà pour mon. Ah ben nous on est qu'à la 4G, nous. Et qu'à la 4G, et puis de toute façon, même déjà 2. Et ben c'est très très très très très bien. Oui. Il n'y a pas l'école des champions, je suis un peu déçu. Bah non, je l'ai pas mis. Et Arnold, oui. Il n'est pas passé. Et Jeanne. Et Serge. Jeanne. Mon match de volley. Serge. Jeanne. Du coup, on va arriver à la dernière partie. En ce temps-là, Jésus dit à Matthieu, descend du train et gonfle les pneus. Et maintenant, chantons. Faut trouver une chanson. Ah. Est-ce qu'on met un générique? Breakthrough. Ok. Breakthrough, la chanson de Queen? Non, de Chad Neid. Donc, C-H-A-D, plus un N-E-I-D. Attends, C-H-A-D. Moi, je vois Chad. Chad. Plus un Neid. N-E-I-D-T. Ah, moi j'ai envie de la chanson de Queen. Ouais, la chanson s'appelle Breakthrough. Ou ça sur le trail là. Tu l'as sur YouTube, non. Il y a tout l'album en entier qui est en free sur YouTube. Et sur ouais, ça, free. Chad Knight, c'est le mec qui s'est fait connaître avec les One Minute Mashup. Mmh. Qui a sorti son album. Condescending is the theme of the day, or am I hypersensitive to all the words they say? Everybody's surprised when they see I'm feeling crappy, but Chad, you're never sad, you're always happy, because I'm cracking jokes every chance I get. You think I've only got one permanent mindset? You're a human too, so you should know, everybody's got a bunch of different sides to show. When I come home, and I start singing bar by bar, and begin to harmonize with my guitar. And all my rage and all my hate slowly but surely starts to dissipate. I don't mean audience or a stage, so commit my own harmless private rampage. When everything is all said and done, I might still be lost, but today I've won. Sometimes I find it hard to comprehend a world that's my enemy but also my friend. It'll build me up strong then beat me down until eventually I'll find some sort of middle ground. And it's easy to let my negativity win because it takes hard work to find the positive end. You gotta look for it, it won't find you. But when it can't find it, you know what to do? I start writing line by line and begin to organize the thoughts I have in mind. They may be simple, they may be bland, or tyrannical for anyone to understand. But the more I write down, the more I start to see the big picture that's right in front of me. Come to think of it, life is just a test to see who can rise above the flames the best. The best. Take it, Johnny, one more time. Time, I'm too scared to stress what's really on my mind that I want to express. You know what, if they get offended or they disagree, I don't want to burn my bridges, not this early. So I beat around the bush and see how they react, then rephrase my words so I can counteract the shitstorm that I didn't mean to cause. But you see, that's the problem, it's one of my flaws, is that I start singing bar by bar and begin to bitch and moan with my guitar. If I only speak up when I'm alone, I get the false sense that I've got a backbone. And maybe writing songs helps me circumvent, but until I solve the problem, it's just a statement, an illusion that I think I've won. So I'll stop talking and get something done. The chat guy. Hey, hi, hello, thanks for stopping by. I like you and I hope you like I. Hey, hi, hello, hey, hi, goodbye.